Ciao. Un Michael est remplacé par un autre Michael. Bonsoir Michael. Et comment ça va? Et ben, ça va. Désolé, j'étais sur Star Wars là, on peut pas être partout. Attends, il diffuse Star Wars là, c'est ça? Ah bah bien sûr, regarde, t'inquiète. Je sais où est Luke. Et les chasseurs, vous les oubliez? Ah oui, voilà. Et je sais qu'en plus, et tu sais que Karima a toutes les vidéos. Hein. Oui, mais les fans, je lui en ai parlé tout à l'heure, figure-toi. Oui, totalement. Bah voilà, c'est ça, je l'ai invité. J'ai un costume de princesse Leia chez moi. Bah, parfait, tu vas pouvoir venir quand on fera l'émission en direct du salon Star Wars. Mais bien sûr que je serai là. Voilà, il y aura Dark Vador, il y aura tout le monde, ça va être la folie totale. Il y aura Apollo Kennedy, Ouais, mais bien sûr qu'il y aura Apollo. C'est bon, je viens. Voilà, Sandro sera déguisé en R2-D2. Et le Duck, on le verra Yoda. Bien en quoi en, c'est Yoda, moi. En Yoda, non. Ah bah, ici, non. Ben Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ah oui, Obi-Wan Kenobi. La sagesse. C'est ça, oui, oui. Voilà, oui. La sagesse même. La sagesse, oui. Évidemment. Je ne bougerai pas. Qui sera Chewbacca? Chewbacca. Bah, tof. J'en étais sûr. Normal, beau, normal. Ouais. Non, mais c'est normal, c'est normal. Parce que tu le connais pas encore assez bien. Tu le connais pas encore assez bien, Karl. C'est pour ça que tu dis le pauvre. C'est pour ça. Alors. Ça doit être ça. Bon, bah, bonne soirée à vous. Et bah, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain 20h sur Fun Radio. Salut à vous. Et nous, on est partis jusqu'à 2h. Et bravo à PG Karima. Oui. Allez, Paris. Allez, ciao à vous. Bye. 23h, 2h. Mickaël, no limit sur Fun Radio. Et c'est parti sur Fun Radio, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les soirs sur Fun Radio pour délirer avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis le dimanche aussi de 20h à minuit. Vous le savez maintenant, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. D'ailleurs je me suis dit putain je suis en train de me métamorphoser aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais une joue qui avait complètement gonflé ce matin. Ouais. Je sais pas comment ça se fait, je me suis levé comme ça, j'étais gonflé d'un côté, j'étais bouffi d'un côté, j'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos. Les kilos de Sandro en fait, j'ai l'impression que tout était arrivé dans ma joue, c'était assez particulier quand même. Prends-les. Bon, et attention mesdames et messieurs, l'heure est grave. Hein? L'heure est très grave. J-10 avant la Saint-Valentin. Et ouais, on avait un auditeur qui nous avait appelé hier là, parce qu'il savait pas quoi offrir. Louis est avec nous, Louis t'es là? Ouais, je suis là, ouais. La Saint-Valentin approche, J. Ouais. Moins 10. C'est dur, hein? Ouais, très dur. Hein. Ah bah ouais, j'avais dit qu'on en parlerait ce soir, bah c'est chose promise, chose due, nous allons le faire évidemment. Donc J-10 avant la Saint-Valentin, comme je le disais hier, bah je mets cette musique parce que c'est toujours l'angoisse pour les mecs. On ne sait pas, on sait qu'on va se faire ramasser, donc soit c'est le cadeau, il sera trop petit, et on va se faire allumer, soit le cadeau ne conviendra pas, on va se faire allumer, soit on va se dire, ouais la Saint-Valentin c'est pour les cons, c'est que des trucs commerciaux, je vais pas le faire, on va se faire allumer, donc c'est vrai qu'on est un peu en stress quoi, cette période de l'année est un peu stressante. Ça dépendra de la journée qu'aura passé votre chérie. Voilà aussi. Si elle a passé une bonne journée, tout ira bien. Exactement. Bon, en tout cas, reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques minutes, Louis. Les autres, si vous avez des conseils pour la Saint-Valentin, on va en parler évidemment. Pour parler avec nous, eh bien, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Alors, vous nous appelez, mais il n'y a pas de problème, évidemment. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, même pas forcément de la Saint-Valentin. Évidemment, vous passerez donc à l'antenne comme Louis à l'instant. Sandro qui est là en pleine forme. Ouais, en pleine forme. Toff est là également au taquet. Oh, complètement. Pendant 11h, je vais te péter en levrette, pauvre trou du cul. Voilà, ça c'était hier soir, le petit appel. Il y a Polo également avec le fameux Pipo qui sera d'ailleurs, je le rappelle, en Picardie à Compiègne ce vendredi. On sera au El Patio le soir pour faire la teuf avec Polo et Jean-Pierre Sauzère. Donc Jean-Pierre Sauzère qui chantera avec la musique de Polo ou Pipo. Voilà, ça va être la folie totale. Hein. Bon, on aura la colle également ce soir, la colle avec Kevin qui est avec nous là. Bonsoir Kevin, comment ça va? Merde. Oui, bonsoir, ça va. Attends, il veut jouer encore un peu. Voilà, bienvenue Kevin. T'as passé une bonne journée toi? Oui, ça a été oui. Bon, très bien. Kevin, tu vas peut-être repartir avec une Xbox One, ce serait beau, non? Ah oui. Ah, ce serait pas mal du tout même. Bon, pour gagner la Xbox One, c'est facile. Tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds, il gagne. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Vas-y pour la colle, on t'écoute. Alors, je suis un armement en or dont je peux faire le bonheur par deux, je peux servir dans l'eau. Qui suis-je? Toi, tu mets pas de virgule ni de point, toi. Hein. Toi, tu vas directement cash, quoi. Bon, je suis un ornement en or dont je peux faire le bonheur. Par deux, je peux servir dans l'eau. Qui suis-je? C'est ça? C'est ça, oui. Bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël, suivi de votre réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et je vous mets dans 5 minutes la colle également sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir y répondre d'ici 5 petites minutes et surtout la lire, parce que c'est vrai que la colle n'est pas forcément simple. En tout cas, quand on n'a pas l'énoncé sous le nez. Voilà, donc allez-y, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse avant minuit 30, Kevin. Donc reste bien avec nous, d'accord? D'accord. Parfait, reste avec nous. Ce soir, ce sera le jeu de la rupture, évidemment, aussi, comme un petit peu tous les mardis soirs. Et puis, bah, vous avez envie d'écouter quoi ce soir? Tiens, Louis, tu pouvais choisir un titre, tu choisirais quoi? Ibranovski, exactement. Ah, si. Bon, on va le trouver, on va te le passer ce soir, Louis. Ibranovski, de merde, j'ai oublié. Non, c'est si. Dans le titre, c'est Vicious. C'est Vicious de Ibranovski. Exactement. Ben, on le mettra tout à l'heure. Tiens, c'est un auditeur qui nous a fait découvrir ça il y a 10 jours, je crois, à peu près. Bah, ben, sinon, je vous passerai aussi Cockpit avec Out of Time. Il y aura aussi le nouveau Shakira, hein, Shakira et Rihanna. Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Et le nouveau Guetta que vous avez découvert sur Fun Radio, c'est normal et j'ai envie de dire Shut Me Down. Voilà, c'est ce qui arrivera tout à l'heure avant minuit, donc restez bien sur Fun Radio, évidemment. Si vous voulez choisir des titres en particulier, demandez-les, c'est pas compliqué. Vous mettez le hashtag Mickaël et vous demandez vos titres, hein, sur Twitter et sur Facebook. Et il y a d'ailleurs Marlex qui a envoyé son message qui dit comme quoi que quand je suis malade, ce qui est bon, c'est que je peux rester jusqu'à la fin de l'émission pour vous écouter. Oui, c'est vrai. Hello la team pour Let's Be Freaks. Salut à toi. Jérémy Titi qui dit bonsoir la bande de fous. Enfin avec vous pour 3 heures de folie, mes amours. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Vous êtes ma drogue. Oh, tout ça, Jérémy, c'est gentil. Et Walim aussi qui dit salut l'équipe. Aujourd'hui, je me suis tapé une meuf. Ah bah bravo. Félicitations. Eh bah oui. Bravo à toi. Et puis le prince là qui dit c'est quoi ce soir au programme pour moi? Luxe, calme et volupté. Et Mickaël No Limit dans la radio, bien sûr. Rendez-vous 23h sur Fun Radio. Eh ben ça y est, on est là. Merci à tous d'être là tous les soirs, évidemment, de plus en plus nombreux. Et puis on parlait justement de Saint-Valentin avec Louis. Louis, sache que j'ai trouvé la solution pour ta Saint-Valentin. J'espère que tu t'en rends bien compte, Louis. Oui. La solution est là. Tu cherchais un truc pour la Saint-Valentin qui arrive dans 10 jours, effectivement. Eh bien, pour les calendes de Saint-Valentin, j'ai trouvé un truc hyper, méga, over, romantique. Waouh. Ah ouais. Ah bah, rien que ça. Ah non, mais attends. Bon, évidemment, est-ce que t'aimes bien aller dans les restaurants? Ouais, ça va. Bon, très bien. Il faut aller dans un restaurant anglais et vous allez pouvoir offrir un petit repas, 8 plats avec des huîtres, wow, du caviar, je déteste tout ce qu'il y a là, hein, du confit de foie gras, des anguilles fumées, des crevettes au safran et aux feuilles d'or. Attention, donc ah oui, tout ça, même. Déjà là, j'en mange rien, après je vais au quick. Que ce soit clair, hein. Non mais c'est vrai. Non, il y a 8 plats, t'as le temps de manger quand non, même. Mais j'aime rien de ce qu'il y a là. Il y a rien, il y a pas un seul truc que j'aime bien. Des huîtres, c'est dégueulasse. L'or, t'aimes bien. Bah alors non, je sais pas, j'avais. Et tu vas décoller les feuilles d'or pour voir si tu peux les rapporter au banquier. Ah bah bien sûr, bah, ça c'est une certitude, ouais. Le foie gras, j'aime pas, l'anguille non plus, enfin bref. Alors évidemment, pour en plus, tu vas pouvoir boire un petit verre, hein, un petit vin de 1990 du domaine de la Romance Conti à 20 000 euros ou un château neuf du pape, hein, si t'es un peu radin, à 1400 euros et vous pourrez offrir ce petit repas. Non mais arrête, c'est parce que tu te mets des barrières là. Sinon le repas total reviendra pour la modique somme et tellement modique. Trop modique, extrêmement ah ouais, c'est modique, limite scandaleusement modique, non, de... Mais... T'as une idée ou pas, Louis? Ouf, je sais pas, cher. Non, à ton avis, donne un prix comme ça pour voir. Je sais pas... Allez, cherche encore un peu mieux, là, tout le repas, là, avec les bouteilles et tout. Bah allez, 30 000 euros. 30 000 euros, et non, tu es trop bas. 73 000 euros. Mais c'est sérieux, ah ouais, ça, ouais, quand même. Pour un repas de Saint-Valentin. Attention, pour deux. Ah bon, ça va alors. Non mais ouais, attention, c'est pas par tête, hein, c'est pour deux. Donc voilà, vraiment, pour le coup, vous êtes tranquille, quoi. Non, c'est bien quand même, hein, 73 000 euros. Tu cherchais un truc, et ben on a trouvé, mec. Ouais. Ah, c'est rien. Mais ouais, il suffisait de demander, là, t'as frappé la bonne porte. Mais oui. C'est ça, c'est juste le prix d'un appart, de quoi tu te plains. Par exemple, voilà. Bon, si vous avez des conseils pour la Saint-Valentin, donc Louis est en plein de recherche, on en a parlé hier, et en fait, Louis, toi, tu... Bah, tu sais pas quoi offrir. Louis ? Oui ? Tu ne sais pas quoi offrir, toi, c'est ça ton problème. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, si vous avez déjà des idées, mieux vaut s'y prendre 10 jours à l'avance, parce que le temps de trouver le truc, de voir si ça marche, etc., etc., il vaut mieux. Bon, reste avec nous, Louis, il y a Guillaume qui voulait réagir. Salut, Guillaume. Salut. Comment ça va ? Bien, et vous ? Bon, ouais, très bien. Qu'est-ce que tu penses de la petite trouvaille, là, le petit resto pas trop cher, là, en Angleterre ? C'est un peu cher, tu vois. Bah, je veux bien la thune, par contre. Mais oui, j'imagine. Ouais. Bah, t'as qu'à faire serveur, hein, cet endroit-là. Tu gardes l'oseille pour toi. Moment de l'addition, je peux te dire qu'elle veut pas. Allez, tu crois que au moment de l'addition, les mecs, ils viennent avec leur fourgon, leur camionnette pour chercher l'oseille, ouais, leurs menottes et leurs flingues. Les mecs qui peuvent se payer des restos comme ça, tu vois, c'est des mecs qui sont pétés d'oseille. Et pour nous, c'est comme si t'allais, je sais pas, dans un resto un peu où tu lâches 100 balles. Bah, oui, non, mais c'est ça, pareil, mais bien sûr. Déjà 100 euros, tu te dis. C'est pas donné. Donc pour eux, c'est les mecs qui ont les moyens de se payer ça. Mais pour c'est lui, clair. C'est peanuts, quoi. C'est ça. Clair, c'est clair. Bon, reste avec nous, Guillaume. On va parler de la Saint-Valentin. Louis reste là aussi. Les filles, eh ben, j'attends vos appels. Hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et on est au cœur d'une heure sans pub. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle également. Et on va se faire le son de Cockpit maintenant sur Fun Radio. Out of time. Il y a Secret Key aussi sur le Twitter qui dit: moi, j'ai une idée. Chaque auditeur demande de lui dire le nom d'un animal et je dois en dessiner 20 pour demain. J'ai pas compris, Secret Key. On en parle après Code Pit, c'est mieux. C'est Out of Time. Bonne nuit tout le monde et bonne soirée. C'est Mickaël Nolimit. Le son de Code Pit sur Fun Radio, c'était Out of Time. Il y aura Shakira à suivre. Ça va débarquer, hein, Shakira, avec Rihanna. Can't remember to forget you sur Fun Radio. On va se faire également le jeu de la rupture dans quelques minutes. Hein. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a des casques de DJ à gagner, ça vaut 200 euros. Le principe est très très simple. On va appeler des gens en direct. Hein. Vous êtes deux auditeurs, vous allez vous affronter. Celui qui tient le plus longtemps avec un inconnu au téléphone, avec une conversation de rupture, eh bien, gagnera tout simplement le casque DJ d'une valeur de 200 euros. Donc si vous voulez jouer, on joue dans une petite dizaine de minutes. Là, ce sera bien d'avoir une fille et un garçon, hein, tant qu'à faire. 01 42 48 5000 pour nous appeler. N'hésitez pas. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Jérémy Titi qui dit: tu aimerais quoi, tarte aux pommes ou macaron la prochaine fois que je reviens en studio? Alors Jérémy, macaron mais vanille, j'adore. Et tarte aux pommes sur le côté. Ouais, voilà. Jérémy Titi qui est donc un excellent pâtissier. Un pâtissier qui est passé nous voir là, faut passer avec des macarons notamment. Donc voilà, macaron, vanille, j'adore. Après tu fais comme tu veux, hein, Jérémy, c'est toi qui est le pâtissier, pas nous. Hein. Il y a Warren qui dit: fuck les cours et vive Mickaël Nolimit. Merci Warren. Et Benji, direction le boulot à minuit, mais en attendant c'est Mickaël No Limit pour me préparer mentalement. Ah bah oui, on va bien te préparer mentalement, ton boss va être content, tiens. Bon, on va récupérer Louis là, et puis on a également Guillaume. Louis qui nous appelle de la Somme et qui avait des questions par rapport à la Saint-Valentin, puisque je rappelle que la Saint-Valentin débarque dans 10 jours et que forcément, eh bien, ça fait peur. Tous les mecs sont en panique totale, hein, évidemment. Bah oui, évidemment. Et donc du coup, Louis voulait savoir un petit peu quoi offrir à sa copine. Trouver une solution. Guillaume est là également. Guillaume, ouais, 30 ans de Cergy-Pontoise. Bon, alors Guillaume, sois le bienvenu. Est-ce que toi aussi t'es en panique totale à penser à l'arrivée de la Saint-Valentin? Bah écoute, vu que je suis célibataire, non, je suis pas en panique. Ah bon, ça va alors, très bien. Bon bah oui, parce que dans l'idée, c'est que les mecs et les meufs casés, hein, qui le vivent. Ou alors t'as les mecs, tu sais, les meufs qui passent le Saint-Valentin entre copines ou entre copains. Ouais. Tu sais, pour dire: ouais, bon bah nous on aura la broyée de Saint-Valentin, on va passer Saint-Valentin entre nous. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est très bizarre. C'est bizarre ça quand même. Voilà. C'est chelou. Non, moi quand j'ai eu des copines, non, c'était toujours, même si c'est, y en a qui vont dire c'est commercial, moi je trouve que c'est toujours un petit moment sympa. On n'est pas obligé de faire un truc de fou non plus, mais c'est histoire de marquer le coup, quoi. C'est voilà. Ouais. C'est sympa. Genre, voilà. T'as déjà offert quoi comme cadeau toi à ta meuf? Moi je l'ai offert un week-end, j'avais tout organisé et tout, tu vois, on était parti en baie de Somme et tout, j'avais ramené du champ et tout, tu vois. Tranquille. Voilà. Bon petit truc. Mais sinon, là c'est pour une idée de cadeau pour Louis, c'est ça? Ouais. Alors, je sais pas, il a du fric un peu, comment ça se passe? C'est quoi son budget? Bon, c'est quoi le budget, Louis? Ah, le budget, il est pas très élevé, hein. Je suis au chômage, j'ai pas de travail pour l'instant, j'ai pas... Ouais, non, mais alors, mais quel est le budget? Quel est le budget? 50 euros, 100 euros, 10 euros? Une cinquantaine d'euros, ouais. Une cinquantaine d'euros, bon, très bien. Mais déjà, il y a moyen de faire des trucs avec 50 boules. Pour une cinquantaine d'euros, enfin... Pizza, l'idée c'est de sortir un peu de l'originalité, tu vois, faire un truc, enfin justement faire un truc original. Ah, parce que sortir de l'originalité, t'arrives dans le banal, hein, donc là. Ouais, non, pardon, je me suis bourré, tu vois, mais sinon, je pensais un vol en simulateur de chute libre. Pour 50 euros, tu peux faire ça. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est sympa ça, putain, j'aimerais bien faire ça moi. C'est pas très Saint-Valentin ça. Non, si c'est vachement bien, chérie, je te largue. Ah, ça c'est déjà, ça c'est pas mal. Ouais. Pas encore, mais j'y penserai. C'est pas mal. Bah, ça fait quand même un investissement pour une fille que tu veux larguer, hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est ouais, toi, mais... elle aura l'impression que t'as quand même mis 50 euros dans la rupture. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que c'est pas très romantique, Guillaume. L'idée est sympa, ouais, mais pas très romantique, quoi. Ouais, c'est un peu ça, oui. Non, c'est romantique, tu vois, mais après, c'est histoire de marquer le coup, tu vois. Après, ça sort un peu du dîner aux chandelles, machin. Non, c'est vrai, c'est vrai. On va prendre Marine aussi dans quelques minutes, là. Marine, t'es là? Oui, je suis là. Comment ça va, ma belle? Ça va. Bon, une mécène, Marine. On était à Metz, là, il y a quoi? Il y a quelques mois, là, maintenant? Il y a 3-4 mois, un truc comme ça? On s'était bien marré, d'ailleurs, à Metz. On embrasse, d'ailleurs, tout le monde, tous ceux qui nous avaient reçus, qui étaient passés nous voir aussi à Metz. Et puis, on est à Montpellier il y a 2 mois et on sera donc en Picardie. On sera à Compiègne, donc, ce vendredi. On va se faire un petit kart. On va se faire également un petit laser game. On ira au resto aussi avec 2 auditeurs. Si vous voulez, d'ailleurs, venir avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et on finira au El Patio. Donc, c'est un club à Compiègne pour faire la teuf toute la nuit. Et bien sûr, dimanche, l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur à Noyon. Bon, Marine, dans quelques minutes, on va parler Saint-Valentin avec toi. Oui. Très bien. Tu vas nous donner un petit conseil cadeau ou un truc que t'as vécu, que t'as déjà fait? Oula, non, pas du tout. C'est juste pour rassurer les garçons. D'accord. Fait. Alors, ne bouge pas, Marine. On va revenir avec Emeric également. Salut, Emeric. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, très bien. Toi aussi, on va parler Saint-Valentin? Ouais, Saint-Valentin, le cadeau idéal. Parfait, ah bah, parfait. Alors impeccable, attention, tu mets la barre haute. Mais on va en reparler. Alors juste un truc, les mecs, vous qui êtes là, Louis, Guillaume, Emeric, est-ce que vous avez déjà donné un nom à votre bite? Pardon? Non mais ta bite, est-ce que tu l'appelles d'un nom particulier ou pas, Louis? Bah non. Non? Et toi, Guillaume? Non plus, non. Et toi, Emeric? Ouais. Ah, enfin quelqu'un d'honnête. Alors tu l'appelles comment, Emeric? La vie. La quoi? La vie, parce que la vie est longue. C'est pas vrai. La vie. Et Marine, t'es déjà tombée sur un mec qui donnait un nom à sa bite? Non, c'est moi qui lui ai donné. Ah parfait, alors tu l'appelais comment toi? Bah comme je l'appelais mon copain Bibou, je l'ai appelé Bibouche. Bibouche. Oh là là. Et bah, en fait, ouais. Ah, moi je l'appelle. Ouais, alors moi comme c'est féminin, je l'appelle la salope. Je lui dis lève-toi la salope. Et toi Tof? La merde. Non, à un moment je l'avais appelé le gourdin. Et puis j'ai arrêté. Le gourdin, n'importe quoi, ouais, c'est ça. Le gourdin. La coccinelle. Non, en fait, je suis tombé sur un site, pour ça que je vous en parle. Je suis tombé sur un site qui donne références, donne les références par catégorie. Donc évidemment, les traditionnels, il y a Top, Zob, Keket, Bistouquet, Zigounette, Popol ou même Birout. Et puis après, il y a les petits noms également, là. Bob ou Bobby, il y avait Junior, Jules, Georges, Gaston, Gérard, Dagobert. Dagobert. Ouais, Robert, hein, pas le petit Robert, bien entendu. Évidemment, le gros. Il y avait aussi Guillaume, le conquérant, bien sûr, hein, parce que sinon, ça a pas trop de sens et ça ressemble à rien. Ou encore Francky, hein, parce que c'est bon, hein. Vas-y Francky, c'est bon, etc. Là, voilà. Et alors la palme dans la catégorie revient sans surprise à Popol, cité de très nombreuses fois. Il y a aussi les super-héros, il y en a plein, hein, je vais les citer évidemment tout à l'heure. Il y a les super-héros, il y a les militaires, les outils, les romantiques, les culinaires, etc. etc. Dof, tu vas demander donc à tes amis comment est-ce qu'ils aiment appeler leur bite? Ah bah avec plaisir. Bon bah très bien. Je suis sûr qu'ils vont être contents. Bah, et vous là, venez nous dire comment est-ce que vous appelez votre bite justement, tiens, ou bien comment votre copine aime l'appeler comme Marine là. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Appelez-nous au 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. N'hésitez pas. Kevin. Oui. Tu l'appelles comment ta bite toi? Je lui donne pas de nom. Tu donnes pas de nom. D'accord, ok. Il y a Alan sur le Facebook qui dit moi c'est Billy Paul. William qui dit ma bite n'a pas de nom pour l'instant. Ah bah et avec tous les noms que je vais vous donner ce soir, on va bien pouvoir la baptiser. Hein. Et d'ailleurs si vous avez votre bite en main et que vous décidez de lui donner un nom, appelez-nous, on va la baptiser en direct bien sûr. Morgan qui dit mais la vie est courte. Oui c'est vrai aussi. Hein. L'abné Velouté qui dit sur le Twitter ma bite c'est Marius. Sans savoir pourquoi. La honte. Eh Marine. Oui. Tu tombes sur un mec qui dit bah, écoute, je te présente Marius. Je pars en courant. Ah, tu pars en courant, d'accord, ok, ça me rassure. Mon Zob s'appelle Popol. Popol 2, pardon, c'est Xavier. Et Dédé qui dit ma bite, je lui donne pas de prénom, mais Dédé pourrait faire l'affaire vu la longueur de mon camion. Bah, oui, c'est pas mal. Il y a le prince qui dit alors, moi perso, je n'ai jamais donné de nom intime à ça. Il y a Big Bob pour Marlex et Signoy qui dit moi, c'est courage, je prends mon courage à deux mains. Bah, oui, allez, c'est facile. Bon, continuez. Hashtag Mickaël, et Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Et puis, vous nous appelez. 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Et sinon il y a Gilou qui l'appelle le père de ses deux enfants. Ah y a, oui c'est vrai, Gilou qui l'appelle le père de ses deux enfants. Tu connais Gilou ou pas toi Marine? Ah non, pas du tout. Oh, c'est un auditeur qu'on a de temps en temps au téléphone. Et bah écoute. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Voilà, il est tellement agréable. Parle-lui un petit peu Marine, dis-lui bonjour. Bonjour. Bonjour Gilou tu dis. Bonjour Zidou. Oh, arrête de me faire manger. Ah. Oh, tu aimes le sperme? Faut que je réponde. Ah bah oui. Allez, oui. Oh, écoute. Oh, Gilou, oh, oh, c'est dégueulasse alors, hein, merde, alors c'est incroyable, c'est dégueulasse. Oh, quel porc ce Gilou. Oui, bah écoute, on verra avec Marine dans quelques minutes. Bon, Marine, Émeric, Guillaume et Louis, vous bougez pas de là, les gars. On va revenir aussi avec le jeu de la rupture, hein, juste après. Le son de. Qui va se mettre Shakira, ça branche tout le monde? Ouais. Ouais, parfait, Marine, parfait. Shakira, ça te va? Ah, oh, bah oui, carrément. Ah, oh, bah oui, très bien. Bah, les jeux de la rupture juste après, bougez pas de là, c'est Mickaël No Limites sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h. Vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe, c'est Mickaël No Limites. Bienvenue. Allez, bonne soirée sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limites. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Fun Radio. Bon, et bonne nouvelle, il y a Karima qui nous dit que son taxi l'appelle Frédéric. C'est Frédéric, le taximan qui appelle sa bite le colosse. Eh bien Karima, toi qui cherches l'âme sœur, hein, enfin la bite d'or, n'hésite pas, le colosse, ça peut être pas mal ça, hein. Eh mais le monsieur colosse, le taximan là, Karima de Love Info, monsieur le taximan, vous savez que la petite derrière là, elle est free. Elle est magnifique en elle plus. Elle est célibataire. Moi je dis ça après, hein. Là, une panne, hein. Une panne est vite arrivée, hein. Ah la ouais, voiture s'arrête. Le fameux coup de la panne. En plein milieu de la route et hop, le drame, la catastrophe. Il n'y a plus rien qui démarre, malgré que tu réessayes de démarrer, hein, d'ailleurs. Ah, on a beau essayer, ça. Ah, et après ça c'est l'accident évidemment, ce serait le drame, mais c'est pas le but évidemment. Bon, donc en tout cas ça peut être une idée, hein. Après il faut voir. Et Karima qui m'envoie un message: oh, il est charmant en plus, je t'adore, merci de m'avoir donné cette idée. Bah, écoute, de rien Karima, tu sais bien que c'est toujours un plaisir. Coup de la panne, un petit McDo et c'est fait. Et hop là, avec une petite bougie et puis en plus, et tout ça offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Bon, il y a Stevie sur le Facebook qui dit: bon allez, je vous laisse, je vais m'occuper de ma petite femme, je reviens dans 1h30 si tout se passe bien. C'est ça, ouais. Ah, dans 10 minutes, t'emballes pas, il se la ramène là. Il y a Adopte un maïs sur le Twitter qui dit: mon machin se nomme Pipou. Très bien, bon, on va en continuer à en parler. Continuez, j'en ai mis aussi un petit. J'ai mis la question sur le Facebook, hein. Allez nous dire ce que vous en pensez justement et comment vous appelez votre sexe, les mecs, ou comment vous appelez le sexe de vos mecs, les filles. Voilà, bon. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, vous avez raté un grand moment. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour trop du cul. Voilà. C'était hier quand Toff a appelé pour demander combien de temps il mettait pour se branler. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà. Bon, il était un petit peu énervé, le monsieur, hein, un tout petit peu. Donc, du coup, on va appeler des gens ce soir pour voir comment est-ce qu'ils appellent leur bite. Ou comment est-ce que leur femme appelle le bite de leur mari, quoi. Oui. Voilà. Donc, du coup, si vous avez des numéros, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les envoyer sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis nous on appelle les gens évidemment, hein, avec grand plaisir. On va continuer à parler de Saint-Valentin également dans quelques minutes. Et puis on va faire le jeu de la rupture juste après les appels. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant un des numéros que vous nous avez envoyé, merci beaucoup. Ah, je crois que ça va décrocher, autant pour moi. Mal. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir comment vous appelez votre sexe, monsieur. Je vous demande pardon. Je voulais savoir comment vous appelez votre bite, monsieur. Écoutez, j'ai pas très bien compris. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ben, répétez-moi. Eh ben, en fait, je veux savoir comment est-ce que vous appelez votre sexe, monsieur, votre bite, votre chibre, oui, votre d'accord, membre. D'accord, c'est de la part de qui? De la part de Toff, monsieur. Ah, ben, formidable. Ben, c'est vrai. Et donc, comment vous l'appelez? Ça vous regarde pas. Ben, si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Non, ça vous regarde pas, ça. Mais si, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Non, je l'appelle, c'est intime, hein. Bah non. Ah non, je l'appelle comme je veux. Ah oui, ça, bien sûr, c'est, je veux juste savoir comment. Eh ben oui, mais ça vous regarde pas, après vous allez aller la voir. Non, rien du tout, hein. Pas besoin de PD ici. Mais enfin, je vois pas le rapport, monsieur. Ah si. Bah non. Bon, écoutez. Oui. Je regarde mon feuilleton et je vous emmerde. Ah non, monsieur, non. Non, si, je vous assure. Ah non, pas de vulgarité comme ça entre nous, monsieur. Si, je vous assure, je vous emmerde. Ah mais non, enfin, moi, je veux juste savoir comment s'appelle votre sexe. Ben, je vous le dirai pas, ça vous regarde pas. Bah. Et je vous emmerde. Mais non, monsieur, enfin... Si. Non. Si. Ah non. Écoutez, non. Ah si, là, si, justement, ouais. Bon, c'est pas grave, on va le rappeler, le monsieur, là. Bah il avait oui, l'argent, je sais pas. Bah non, complètement. Bon, allez, c'est parti, on y retourne. Ouais, il décroche plus, mais... Oui, monsieur, c'est pas gentil. Écoutez, je vous emmerde. Mais oui, mais ça n'est pas gentil, monsieur. Moi, je vous appelle gentiment pour vous demander comment ça s'appelle. Eh bien, moi, je vous emmerde. Oui, vous l'avez déjà dit. Eh bien, alors, arrêtez de me téléphoner ou sinon ça va aller mal, hein. Mais oui, mais vous voulez pas me dire plutôt comment vous vous l'appelez? Je vous emmerde. Oui, ça, je sais. Mais ben, voilà. Mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. Mais j'ai pas besoin de réponse à votre question, connard, nom de Dieu. Mais si, c'est pour ça que je vous appelle. Bon, on va le rappeler encore un coup. Hein. Connard, hein, nom de Dieu. On le rappelle encore un coup, Marine. Bah ouais, mais ça marcherait bien avec une fille, moi, je pense. Oui, mais là, on choisit pas, malheureusement. Hein, ça, c'est... Mais t'inquiète pas, on va en appeler d'autres, hein, y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est les numéros qu'on nous envoie, nous. Après, on appelle ce qu'on reçoit. Hein. Bon, attends, on va le rappeler. Hop. Attends. Allez. On y croit. Allô. Allô. Oui, monsieur, c'est pas la peine de s'énerver, de le prendre comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ben, je veux savoir comment vous appelez votre sexe, monsieur. Je vous emmerde. Mais non, mais je vous dis qu'il faut pas le prendre comme ça, monsieur. Écoutez, si vous avez, vous, les couilles au cul, vous me donnez votre nom et on s'explique en direct. Ben, je m'appelle Toff, monsieur. Non. Si. Non. Ah, si. Ah, je vous assure, je m'appelle Toff. Toff. Voilà. Et alors, et votre adresse? Alors, moi, je suis 20 rue Bayard. Ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Paris combien? 8e, monsieur. Oui, 20 rue Bayard. Oui, c'est ça. Dans le 8e, à Paris. Bon, écoutez, si vous téléphonez encore une fois... Oui. Je vous emmerderai encore et je vous répondrai pas. Alors, ça sert à rien. Bah ça sert à rien alors. Bah si ça sert à rien. Je l'adore. Non mais si ça sert à rien, ça sert à rien. Génial. Et ben voilà. Vous emmerderez encore. Et ben alors on va nous emmerder encore. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Bon attends, il y a on va faire le jeu de la rupture maintenant avec Guillaume et avec Jessica. Salut tous les deux. Là. Salut Guillaume de Lyon. Guillaume. Ah il est là. Ça va? Je voudrais passer une petite dédicace. Oui bah tu feras après si tu gagnes. Il y a Jessica également. Il est où? Et bienvenue Guillaume. Il y a Jessica. Bonsoir. Également qui appelle d'Aurélie Saint-Benotte. Salut Jessica, ça va bien? Très bien, merci, et vous? Bon, oui, ça va très bien Jessica. Bon, on va faire le jeu de la rupture, vous connaissez le principe? Oui. Ouais. Parfait, donc, je vais quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs qui débarquent, hein, qui se demandent un petit peu à quoi on joue. Donc le principe est très très simple, on va donc appeler quelqu'un au hasard. Vous allez devoir tenir le plus longtemps possible, enfin en tout cas plus que l'autre, évidemment vous êtes deux auditeurs, il faut gagner par rapport à l'autre. On va appeler quelqu'un au hasard donc, et donc un blabla de rupture, conversation de rupture. Attention, il faut bien concevoir que vous êtes censé appeler, même si on ne le connaît pas, peu importe, la personne avec qui vous êtes et vous casser avec elle. Donc pas dire il y a une rupture, je crois qu'il y a une rupture, ou tu vois, donc vous avez compris? Ok. Parce que pas moi-même problème. Dans ma tête c'est pas très clair, donc n'hésitez pas à me le dire. Hein. Non, c'est clair. Bon, bah tant mieux, alors c'est miraculeux, tu as l'air très intelligente Jessica, c'est bien, c'est pas mal. D'ailleurs, bon. Combien mesures-tu? Mesurons ton intelligence. Oui, mais je ne vois pas le rapport, Toff. Oh, en centimètres? Le rapport. Non, c'est pas grave. Jessica, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. D comme Denise? Oui. Ah oui, c'est énorme. C'est à toi ou on t'a un peu aidé? Non, c'est à moi. C'est D comme ça peut devenir très dur. Dur ou du con? Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ouais. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, revenons à nos moutons maintenant, parce que sinon on va être perturbé, hein. On va être dissipé, ce n'est pas bien. Bon, on va y aller. Qui veut commencer, Guillaume ou Jessica? N'importe. Bon bah commençons par Guillaume, alors il a l'air d'avoir la patate en plus, c'est cool. On y va, c'est parti. Alors on appelle le premier, Guillaume, donc on fait bien une conversation de rupture. Celui qui tient le plus longtemps avant que la personne qu'on appelle au hasard raccroche, eh bien gagnera. Guillaume, je te souhaite bonne chance, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus la petite musique en dessous, c'est que tu vas dire allô. Allez, et on reparlera de Saint-Valentin aussi juste après évidemment. Oui, allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, ouais. Non, parce que en fait j'ai un petit problème de téléphone, mais ça va bien. Donc là ça capte, t'as bon? Ouais, c'est bon, ouais. T'as deux minutes ou pas? Je voudrais te parler. C'est qui? Attends, je t'explique. Mais s'il te plaît, raccroche pas, j'ai deux minutes, c'est urgent. Ouais, vas-y. Pas que tu raccroches. Bon, déjà je tiens à te saluer. Donc, ouais. Mais raccroche pas s'il te plaît, c'est important. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais en fait, j'aimerais te dire, bah déjà, en fait, moi je suis un peu triste parce que je comprends pas en fait pourquoi tu m'as trompé. Et moi j'ai reçu une lettre de ta part avec écrit comme quoi tu voulais me quitter, tu vois. Enfin, j'ai reçu un mail, tu vois, tu m'as envoyé un mail sur mon adresse mail et il y a écrit comme quoi. Il est parti, comme quoi il est parti. Comme quoi tu l'as saoulé. 7 secondes, Guillaume, t'as fait plus de E que de phrases. Ouais. Bah oui. Ouais, mais il était perturbé, c'est une rupture, oui. C'est difficile à vivre. Évidemment, c'est clair, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, Guillaume, tu feras peut-être mieux après. Jessica, on y va, à toi de jouer. Ok. Allez, c'est parti, on y va, go. Et n'hésite pas à aller droit au but, hein, et pas à tourner autour du pot pendant 30 secondes. Je sais que ça fait gagner du temps, mais quand même. Ouais, parle-lui de ton 95D, ça va. Ah bah oui, là, je pense que oui. Allez, on y va, dès qu'il y a plus de musique, tu le diras. Allô, Jess, bonne chance. Et c'est toujours le casque DJ de 200€ qui est à gagner. Le record à battre pour l'instant, 57 secondes de Guillaume. Bonjour. Merde. Vous êtes connecté à un répondeur. Ah oui, on avait deviné que c'était le répondeur. Bon, attends, on va rappeler un autre numéro, Jessica, c'est le répondeur, c'est pas grave, ça arrive. On y va, c'est parti, nouveau numéro. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allez. Allez. Jess, tu nous portes la poisse. Encore. Ah, et là, c'est vraiment la poisse. Hein. Bonjour. Oh, merde, encore, oui, on a compris, c'est le nouveau répondeur. Merde. Bon, eh ben, Jessica, c'est pas grave, jamais 203, on va en appeler encore un autre. Et normalement, cette fois-ci, je le sens bien, là. Enfin, j'espère. Hein. Allez, hop, on y retourne. Allô? Allô? Allô? Allô, bonsoir, c'est moi. C'est vous? Oui, j'espère que je te dérange pas. Mais qui c'est? C'est Jess. Pardon? C'est Jess. Mais à qui que vous demandez? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais je connais pas de dièse. De Jess. Jess? Non, je connais pas. De dièse. Qui demandez-vous? Bon, écoutez, j'ai quelque chose à te dire. Je vais aller droit au but. Je voudrais qu'on rompe. Comment? Je voudrais qu'on rompe. Je te quitte. Ah bon? Oui. Ouais. Je trouve que c'est préférable. Ah bon? T'en penses quoi? Mais je sais pas à qui tu parles, là. Hein. Bah, à toi. Moi le prénom, donne-moi le prénom. Jessica. Ah bah non, tu fais erreur. Hein. Non, je me trompe pas. C'est de conversation. Bah, c'est moi. Qu'on a passé de super moments ensemble, mais... Ah bon, bah tu fais erreur, ma poule. Non, je pense bah, pas. Bah oui, alors. Tu fais complètement erreur. Tu t'es trompé de numéro. Tu sais que c'est plus la peine qu'on fasse semblant, de se voyager. Ah bah, je fais pas semblant du tout, moi, hein. Pas du tout, hein. Je suis pas attiré par les filles, alors. Bah oui. Bah, on a passé de super bons moments ensemble et je préfère. Bah, je suppose que non parce que c'est pas avec toi que j'ai passé des bons moments. Non, je ne pense pas. Mais si. Ah bah non. Bah, j'ai préféré être franche avec toi et te le dire. Je souhaite qu'on arrête là et que ça ne peut plus. Je suis malheureuse. Mais je te connais malade. Je te connais pas, ça n'a jamais commencé, je te connais pas, Josette. Bah, je vais faire y mettre un terme, tu sais, tu comprends? Ben oui, vaut mieux mettre un terme, oui, parce que ça sert à rien, je te connais pas. Hein? Bah, si, on a vécu une belle histoire ensemble. Ah bon? Oh bah dis donc, alors. Bah oui, puis notre relation n'évolue pas, donc je pensais que je préfère arrêter là et qu'on se quitte. Oh bah t'as raison, ma poule. Oui. J'aime que les garçons, alors. T'as raison, ma poule. C'est parce que tu te souviens plus de moi, c'est pour ça. Ah, j'ai jamais connu de fille, alors. Donc voilà, c'était pour te dire que je te quitte. Ah, il est parti. Bon, 2 minutes 23, pas mal, hein, pas mal. Bien joué. Il fallait juste que tu tombes sur Aguet, Jessica. C'était énorme. Bon, alors Guillaume, attention, la barre est haute là, 2 minutes 23, il va falloir battre leur corps. Mais on fait ça après la pub. Reste avec nous Guillaume, reste avec nous Jess. Il y a le casque de 200€, casque DJ, qui sera peut-être pour l'un d'entre vous. Retour avec Louis là pour la Saint-Valentin. T'es toujours là Louis? Ouais, je suis là. Très bien, on fera le top tweetos également, hein. Je vous en reparlerai dans quelques minutes, tout à l'heure avant la fin de l'émission évidemment. Alors Marine qui avait donc envie de nous rassurer les mecs, hein, puisque depuis le début de l'émission et même depuis hier, je dis que bah J-10 avant la Saint-Valentin et donc les mecs commencent à flipper quoi, on peur, etc. etc. Ouais. Bah oui, normal. Et donc tu voulais nous rassurer toi Marine? Bah oui, ça sert à rien d'avoir peur. Bah non mais bon aussi quand même, parce qu'on sait que de toute façon on va se ramasser des reproches, etc. Ouais, quoi qu'on fasse, c'est jamais bon de toute façon. Voilà. Parce que c'est pas des filles bien que vous avez. Oh si. Mais non, elles sont toutes pareilles. Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Non, elles sont pas toutes pareilles. Si, si, si, si. La Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Il y a pas besoin d'offrir de cadeaux. Vous êtes déjà avec nous. Alors, on est d'accord, Marine. Mais à côté de ça, j'ai reçu un message de Salisha qui dit « Ça fait 12 ans que je suis avec mon mari. » C'est par mail. Hein. « Ma première Saint-Valentin, nuisette sexy, boutique de luxe. 10 ans après, j'ai reçu une machine à laver. J'ai été tellement déçu que pour se rattraper l'année dernière, j'ai eu le droit à de magnifiques boucles d'oreilles en or. Mais cette année, il a choisi ce jour, le 14 février, pour son rendez-vous avec le tabacologue. Je pense qu'il n'a pas tilté que c'est Saint-Valentin, soirée merdique en perspective. » Ah, mais attends, tu vois, c'est une machine à laver. Eh ben, c'est une horreur. C'est quoi ce cadeau de merde? Mais attends, c'est déjà bien. Il lui a offert un cadeau. Attends. Elle sera jamais contente. Mais arrête. Tu veux pas offrir un fer à repasser, un mixeur? Mais c'est un cadeau. Et puis c'est leur métier. Elles sont là mais pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Salope. Oh pardon. Top, arrête d'insulter les femmes comme ça. Et non, et sinon, il y a les fleuristes de Paris qui font un truc vachement bien. Le deuxième bouquet est à 50%. Ah bah super. Pour la Saint-Valentin. Tu vas prendre le sud 50%. Deux meufs comme Top, c'est bien. Voilà. Bah oui, c'est clair. Merci, bah, lui, les fleuristes de Paris. Ah bah lui, ça lui fait des ristournes. Non, ça se fait pas ce que tu dis. Il en a pas deux, il en a au moins 10. Oh, il en a beaucoup plus. Mais enfin, l'addition, c'est bien parce que si t'en prends 4, t'as une gratuite du coup. Ouais, ça, au final, j'ai un bouquet gratuit tous les 4 achats. Tous les 4 achats, c'est pas mal. Bon, donc du coup, Marine, toi, tu dis que c'est une fête commerciale et que t'as pas besoin de cadeaux. Ah non, pas du tout, vous êtes avec nous tout le temps, c'est déjà un cadeau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as tellement raison. Est-ce que je peux jouer un peu de pipeau? Si tu veux, oui. Pour toute cette flûte. C'est méchant. Mais c'est pas vrai, je vous connais par cœur, mesdames. Mais c'est bien, mais dites-nous les autres filles, là. Dites-nous ce que vous en pensez, là. N'hésitez pas, appelez-nous 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Marine, je te fais des gros bisous. Bah oui, moi aussi. Tu reviens quand tu veux Marine, je t'embrasse. D'accord, pas de soucis. Salut Marine. Et à bientôt. Retour avec Emeric qui est apparemment le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Louis évidemment qui va revenir avec nous comme promis. On va se faire la suite des appels avec la rupture, hein, évidemment le jeu de la rupture. Ce sera juste après le son de David Guetta. David Guetta, Shut Me Down, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël. Mickaël, nos limites. 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Et attention, attention parce qu'on sera à Noyon et à Compiègne pour la soirée au El Patio. Ce sera vendredi, donc si vous voulez venir nous rejoindre, évidemment on vous attend nombreux et nombreuses, hein, puisqu'on va le passer donc en Picardie tout le week-end. Vendredi on va démarrer à 21h, on sera au Speed Park pour faire un kart et puis un laser game. Et puis vers minuit 30, on sera au El Patio pour faire la teuf toute la nuit. Donc venez nous voir et on va jouer à Mario Kart, mais en vrai. Ce sera Mickaël Kart et le but, ce sera de foutre teuf dans le décor. Voilà, donc on va jouer. Donc si vous voulez venir, vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000. Et il y a deux auditeurs qui vont venir aussi en VIP pour manger avec nous juste avant le kart. Donc voilà, si vous voulez venir faire du kart avec nous, du laser game et venir bouffer avec nous, tout ça gratos évidemment. Et en plus de ça, on vous invite en VIP aussi au El Patio vendredi soir. Et ben vous appelez Sandro, 01 42 48 5000 maintenant, ou vous lui faites un mail, hein, Sandro, sandro@funradio.fr. On vous attend nombreux et nombreuses. On fera l'émission également en direct de Noyon en Picardie chez Olivier, un auditeur. Dimanche soir à partir de 20h, le son d'Enfloor de Fun arrive avec le son de David Guetta. Je vous l'avais promis donc, David Guetta, Shut Me Down. Et bonne nouvelle également, il n'y a plus de pub maintenant pendant toute l'émission, hein, jusqu'à 2h du mat, on est tranquille. C'est... free pub. Voilà, comment dire, hein. Pas de pub. Non, pas free l'opérateur, hein. Free dans le sens pas de pub. Enfin c'est bref, libre, il y en a pas quoi. Bon voilà, on va pas se faire chier non plus pendant 107 ans. Voilà, comme ça vous savez tout. Il est 23h50, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Guillaume qui dit ma top, je l'ai appelé Titan parce qu'elle défonce tout. Moi, la Saint-Valentin l'année dernière, j'avais offert des fleurs à ma copine et quand je lui ai donné les fleurs, elle m'a dit qu'elle était avec un autre mec. En plus, j'ai que 14 ans, bref, pas de bol. Oh merde. Oh, c'est dommage. Quel salope. Mais ouais, Geoffrey qui dit se faire larguer, vous écoutez pour se remonter le moral, ça fait du bien. Merde, il s'est passé, Geoffrey, explique-nous. Il y a Indiole Piu Piu qui dit c'est Mickaël le meilleur cadeau de Saint-Valentin. Oui, c'est vrai, merci. Ouais, mais on ne peut pas l'offrir à tout le monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Let's Be Freaks qui dit j'attends mon bouquet pour la Saint-Valentin, Toff. Bah évidemment, les Netflix. Voilà. Un bouquet de bits, il va lui offrir. Voilà, c'est ça. Jérémy Titi qui dit aussi. Bah oui, un bouquet pour la femme et l'autre moins cher pour la maîtresse, évidemment. Maël qui dit je passe la Saint-Valentin en tête à tête avec ma tub. Eh ben c'est bien aussi déjà, au moins t'es pas seul. Margot qui dit fête commerciale, je suis assez d'accord. Denis qui dit super la rupture et Céline aussi. Bah il y a la suite dans un instant de la rupture. Et Céline qui dit moi celui de mon ex, c'était GPS car il trouvait toujours le chemin du plaisir. Oh. Ma queue, je l'appelle la béquille. Et oui, je suis souvent calé dessus. Et Pierre qui dit Mickaël, moi non plus, moi mon plus beau cadeau de Saint-Valentin, c'est d'avoir connu Ophélie dans ma vie. Oh, so sweet alors. So sweet. On va parler encore de comment vous appelez vos tubs les mecs et comment vous appelez les tubs de vos mecs, de vos mecs les filles. Et on va appeler d'autres personnes évidemment tout à l'heure en direct avec Toff afin de savoir si les gens aussi appellent leur sexe d'une manière bien particulière. Ou pas. On reparle de la Saint-Valentin avec Guillaume, avec Aymeric qui a la solution, apparemment le cadeau idéal. Mais avant ça, on va d'abord terminer évidemment la rupture. Jessica, Guillaume, vous êtes tous les deux là? Oui. Oui. Très bien. Allez, c'est parti pour la suite maintenant de ce magnifique jeu. Guillaume qui a fait 57 secondes, Jessica qui a eu de la chance qui a fait 2 minutes 27. Donc il va falloir battre ce score, Guillaume, pour tenter de gagner ce casque de DJ d'une valeur de 200€. Jessica, on continue donc avec toi afin de voir si tu améliores ton premier score ou pas. Quoi qu'il en soit, on gardera le meilleur des deux. D'accord ? Ok, ça marche. Allez, c'est parti, on y va. Guillaume, reste avec nous. Jessica, on y va, on appelle. Deuxième manche. Si tu fais mieux que 2 minutes 27, on gardera le nouveau score. Si c'est moins, on gardera 2 minutes 27. Allez, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, c'est moi. Et je te dérange pas? C'est qui? C'est Jess. Oh, mais vous vous trompez de numéro, je pense. Non, j'ai quelque chose à te dire, c'est vraiment important. Je pouvais plus attendre. Jeff, mais qui? Jessica. Jessica. Mais bon, je vais te le dire, je vais pas y aller par quatre chemins. Oui, vas-y. J'espère que t'es bien assise. Oui. Moi, je préfère être franche avec toi et je laisse pas la situation s'en se dégrader. Donc voilà, j'ai pris la journée entière pour y réfléchir et je voudrais rompre avec toi. Mais je crois que vous vous trompez de numéro, hein. Oh, l'hôtel dehors, en plus, là. Bah non. Bah, tu sais qu'on a passé le bon moment ensemble. Ah bah c'est bien, c'est bien. Mais bon, je pense que c'est une plaisanterie, mais je pense que vous vous trompez de numéro, hein. Non, non, du tout. Ah bon? D'accord. Notre relation n'évolue pas comme j'imaginais. D'accord, c'est bien. Mais là, vous êtes une dame qui a 84 ans. Ah, elle ne les fait pas. Oui. Alors, c'est bien. Ah, tu ne te souviens pas de moi? Non. Ben non, non. Allez, au revoir. C'est Jessica. Mais Jessica, non. Je ne connais pas Jessica. Bon. Au revoir. Non, non, écoutez. Allô? Putain, elle a de la chance. Allô. Alors, ah ben c'est fini. Oh, c'est on te file. Bah 1 minute 20. Ah. Jess. Oh, moins bien. Ouais, moins bien, mais c'est pas grave, on garde le meilleur score des deux. Guillaume. Ouais. 2 minutes 27, score à battre. Je te souhaite bonne chance. Ça va être dur. Mais c'est pas impossible. On a déjà fait des scores plus importants que celui-là, donc tout est possible, Guillaume. Vas-y, on appelle, c'est à ton tour de jouer maintenant. Bonne chance. Sois bon, Guillaume. Okay. Allez, on y va. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allez. Et comme d'habitude, le dernier appel va nous emmerder. Bonjour, vous êtes bien chez Marie. Merde, ah, répondeur, merde. Répondeur. Allez, attention, c'est pas grave, on en appelle un autre. Guillaume, ne bouge pas de là, on a l'habitude maintenant. On va récupérer Kevin aussi pour la colle. Hein. Rassurez-vous, il y a toujours la Xbox One à gagner. Et puis on aura Guillaume, Aymeric et Louis pour parler encore Saint-Valentin. Vas-y Guillaume, ça sonne, c'est parti. Allô? Allô? Allô? Oui. Tu m'entends ou pas? Oui. Tu m'entends? C'est qui? Attends, raccroche pas s'il te plaît. plaît, est-ce que t'as 5 minutes pour que je t'explique un truc important? Allô? Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je veux juste t'expliquer un truc, mais je voudrais m'assurer que tu m'entends ou pas. Allô? Non, tu m'entends ou pas? Réponds, s'il te plaît. S'il te plaît, je dois te dire un truc important, c'est urgent. Je t'expliquerai après. Allô? Il est toujours là. Allô? Vas-y, rompe. Est-ce que tu m'entends? Moi, je vais te dire un truc très important, s'il te plaît. Mais rompe. C'est pour moi, c'est important. Il faut rompre. Après, je te dérange plus. Mais je veux dire un truc, réponds-moi. Il faut une rupture, là. Je t'entends de la pas. Rupture. Allô? En mais fais la rupture. De votre part qui me disait, enfin de ta part qui disait il nous entend pas. De te rappeler. Et du coup, bah c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, je suis un peu stressé. Je suis ému de ce qui a écrit sur la lettre. Donc je sais pas si c'est une blague ou quoi que tu m'as fait. Mais du coup, je vais en parler avec toi. Mais pour ça, il faudra que tu me parles pour que je t'explique de quoi il s'agit. Allô? Allô? En fait, donc j'ai reçu ta lettre. Il a raccroché, dommage pour la lettre. Ah là là, 1 minute 10. Oui. Eh ben bravo Jessica là, 1 minute 10. Le casque oui. DJ 200 euros, c'est pour toi. Bravo Jess. Merci. Ah, tu vas pouvoir donner de la musique à tes gros seins. Bah oui. Bah, les faire bouger surtout. Ça va bien. Ça va bouger, remuer, ça va être magnifique. Oh là là, ça va être magnifique. Bon, Jessica, je te fais des gros bisous. Félicitations à toi. Et puis, bah, Guillaume, malheureusement, c'est perdu. Tu veux passer une petite dédicace? Alors, d'abord, Jessica, honneur aux filles, évidemment. Une seule personne, hein, choisissez la bonne. À Doudou. Voilà. À Doudou. Très bien, Doudou. D'accord. Jessica, comment t'appelles la bite de ton mec? Le canard. Le canard, pourquoi? Parce que quand on a un rapport, il vient dans la mare. Oh, c'est la grosse classe. Et sa chenille, il est marrant, en règle générale. Oh, l'horreur. Oh, Jessica, merde. Le non-glamour du truc. Allez, viens dans la mare. Allez, mon canard. Viens dans la mare. Voilà. Allez, viens. Quelle horreur. Bon, eh ben, gros bisous, Jess. Gros bisous. Salut à toi, Guillaume. Vas-y, une seule personne également. Je fais une dédicace à Tommy Alam. Qui attends, qu'est-ce que t'as pas compris, Guillaume, dans une seule personne? Non, c'est une seule personne. Je dis qui vous écoute tout le temps. Mais t'as dit Tommy deux noms là. Non, Tommy Alam, c'est son ami. Ah pardon, tant pour moi. Alors j'ai rien dit. Ok. Et puis je dirais à Jessica, va te faire foutre. Le mauvais perdant. T'as vu comment il t'a traité, Jessica? Ouais, mais t'es un salaud. Ouais, pas de violence, on s'aime tous. Faites-vous des bisous. Mais oui, pas de violence, et on est pas comme ça, nous. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà, on aime pas la violence ici, là. C'est fini, oui. Bon, gros bisous tous les deux, à bientôt, je vous embrasse. Bisous, à bientôt. Ciao, à vous, bye bye. Bon, on va parler encore Saint-Valentin. Avant ça, il y a quelques messages qui sont arrivés. Dieu sait qu'il y en a beaucoup ce soir sur le Facebook de l'émission. M-I-K-L officiel, ajoutez-moi hein, si vous l'avez pas encore fait. Et puis sur le Twitter également, là, t'avais avec le hashtag et Mickaël. Il y a Thomas qui dit Uncle Benz parce que c'est toujours un succès. Il s'emballe. Il y a Ronan aussi, ou Ronan, je sais pas comment on dit. Moi, ma bite se nomme la plume car c'est la chose la plus légère au monde. Une seule pensée la soulève. Wow. C'est vrai. Lucas qui dit merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes géniaux. Merci Lucas d'écouter aussi, c'est le principal. Pierre également qui dit moi, c'est le Pacha. Il y a Marine qui dit le meilleur cadeau, c'est Mickaël pour la Saint-Valentin. Mais oui, Marine, je te remercie. Carole également, Jean-Eude. Ouais, ok, d'accord. Il y a Jimmy qui dit le dinosaure à la tête rose. Il y a la friterie Alba, moi c'est Fricadelle XXL parce qu'elle fait 35 cm. Eh ouais. Anthony également, moi c'est Mike Tyson car elle brise les mâchoires. Aurore aussi, moi c'est Zoubidou. Il y a Franck qui dit le grand chauve au col roulé. Oh. Kevin qui dit moi c'est Patrick parce que j'ai tout le temps la trique. Il y a Aurore également qui dit coucou à toute l'équipe, toujours fidèle avec vous. À vous le 24 décembre, tempête chez nous dans le 64 et aujourd'hui, rebelote, c'est une vraie merde. Bah, bon courage Aurore. Je me souviens de ton message en plus quand on a fait l'émission pour Noël en direct sur Fun Radio. Il me semble bien que t'avais envoyé un message. Il y a Brendan aussi qui dit Line car... Car Line ébranlable. Et Émilie qui dit Kirikou. Et je chante Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant. D'accord, ok. Je vous avais demandé comment vous appeliez votre bite les mecs et comment vous donniez, quel nom vous donniez à la bite de vos mecs les filles. Donc continuez à nous le dire, Facebook et Twitter, tapez Mickaël officiel et le hashtag Mickaël sur Twitter. Ou alors appelez-nous au 01 42 48 5000. On récupère Louis, Guillaume, Emeric dans quelques minutes pour parler de Saint-Valentin. Il y a Dylan qui vient de débarquer également. Et puis on va récupérer la colle avec Kevin. Ce sera juste après le son découvert sur Fun Radio à minuit tout pile. David Guetta qu'on écoute, c'est Shut Me Down. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et oui, vous avez enfin trouver quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est Mickaël No Limit et c'est sur Fun Radio, 23h, 2h la semaine et 20h minuit tous les dimanches. I was 5 and he was 6. C'est Fun Radio avec David Guetta à l'instant, c'était Shut Me Down. Bon ben bienvenue si vous venez de débarquer, hein. C'est Mickaël No Limit, on est là tous les soirs en direct avec vous. Il suffit de venir prendre le contrôle de Fun et on vous invite à le faire en plus, alors profitez-en. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000, pour la Belgique ça marche également bien sûr, vous composez le 02 851 4x0 et vous tomberez sur Sandro au standard. Vous n'hésitez pas, vous appelez, vous passez l'antenne et on délire tous ensemble comme Louis qui est avec nous là. T'es là Louis encore? Ouais. Bon, il y a Emeric, il y a Mehdi, vous êtes là tous là? Toujours là, toujours là. Parfait, il y a également qui est là, il y a Dylan également. Salut Dylan. Salut. Ça va bien? Bon, très bien. Bah Dylan, tu vas bouger un petit peu parce qu'on l'entend pas très bien. Je pense qu'il manque un petit peu de réseau là. Et bouge pas de là. Il y a Guillaume aussi. Et puis il y a la call avec Kevin là qu'on va faire avant de récupérer tout le monde là pour la Saint-Valentin. Allô, allô, Kevin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Kevin. Alors, fais péter la call. Je rappelle qu'il y a une Xbox One à gagner. Si vous avez la bonne réponse à la call, bien entendu. Pour ça, il faut écouter la call de Kevin. Kevin, nous sommes tout oui. Alors la colle c'était je suis un ornement en or qui peut faire plaisir à des gens par deux. Kevin, tu sais sérieux là ou mais pas là ou quoi? Non désolé, je suis un ornement en or dont je peux faire le bonheur. Par deux, je peux servir dans l'eau. D'accord, bah voilà, là, c'est plus clair tout de suite là. Très bien, donc je suis un ornement en or dont je peux faire le bonheur. Par deux, je peux servir dans l'eau. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Envoyez Mickaël au par SMS hein, si vous avez la bonne réponse. Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. On proposait la vague, Kevin. Oui, par contre, est-ce que c'est possible de juste faire une petite dédicace? Pas du tout. C'est la vague ou pas? La vague. Est-ce que c'est une bonne réponse ou est-ce que c'est une mauvaise réponse, Kevin? La réponse est simple, oui non. Ou non? Non, c'est une pas mauvaise ça. Réponse. Un anneau? Non plus. Florentin qui proposait une thalasso? Non. Très bien, bon, on va pas aller plus loin, je pense que ça sera très bien comme ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, les autres, allez-y, vous pouvez aussi répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre sur le Facebook, vous pouvez répondre à la question, à la colle que j'ai postée sur le Facebook. Et puis, bah, on donne la réponse dans moins de 30 minutes. Tu restes avec nous, Kevin, ne bouge pas de là. Tu feras la dédicace à l'heure si tu gagnes, hein, ce qui a pas l'air d'être gagné dans un premier temps, sait-on jamais malgré tout. Louis? Oui. C'est quoi ton. T'as une émission de télé? Tu regardes souvent la télé ou pas, toi? Non, pas trop, non. Ah, t'en as pas une préférée, non? Non, non. Non, bon, moi, c'est Confessions Intimes, hein, j'adore, c'est bon, c'est cool, oh là là. Bah oui, justement. Et je pouvais pas m'en empêcher, vous savez, une fois par semaine, j'essaye d'en parler quand même. Et la Confessions Intimes, puisque nous avons encore eu droit à un couple qui se prend la tête pour de la merde, en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. C'est toi qui es allé aux toilettes, là? Non, c'est le Père Noël, quoi. Le rouleau qui est déroulé? Oui, eh ben. Contre le mur. Pour que nos copines les bactéries sautent pas sur le papier et prennent en otage la cellulose et nous provoquent une maladie transmissible. Non, c'est pas pour ça, non. C'est juste que le mur, il est pas propre, le papier toilette, il est plus propre que ça, quoi. Donc j'aimerais que ça reste enroulé et que ça traîne pas contre le mur. Je m'en fous, quoi, désolé. Mais bah ouais, bah moi je m'en fous pas, je veux que tu fasses des efforts. C'est pas une maladie du PQ, quoi. Je veux que tu fasses des efforts sur ça. Des efforts, putain, mais j'en fais assez, je reste avec toi. Oh quel enculé alors. Bon et puis il y avait dans Génération Mannequin également la Dominique Damien réel pète encore les plombs et oui encore une fois. Et qu'est-ce que tu cherches avec moi là? Qu'est-ce que t'as envie que je te dise et que je fasse? Non mais qu'est-ce que tu cherches? Je voulais juste. Qu'est-ce que tu cherches? Là-bas. Je ne veux plus le voir, il est viré. Terminé. Et si on me cherche, je vais me faire. Je vais virer tout le monde. J'en ai marre. Voilà, c'est. Ouais, il y a un moment, faut j'adore. Changer de métier. Hein. Ah, mais il y a un moment, faut qu'il arrête. Il y a un moment, faut c'est qu'il un arrête. Psycho. Ah ouais, ouais. Il y a Ruquier qui a été victime d'un petit lapsus, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Philippe Besson. Ah, mais il a envie de baiser Philippe, c'est son droit, il n'y a pas de problème. Et puis un candidat de The Voice également qui nous parle des langues qu'il maîtrise, enfin qu'il pense maîtriser. Je parle portugais, espagnol, français et anglais. Anglais, c'est un anglais bisextile. Oui, c'est un anglais bisextile. Voilà. Visiblement, il maîtrise mal le français, a priori. Hein. À force de parler portugais, espagnol et anglais, forcément, ça fait un petit peu mal. Bon, il y a Laurent qui dit aussi, tiens, moi je l'appelle Bitachu. Il y a Ben qui dit Godzilla pour ma bite. Il y a Morgane qui dit je vous kiffe, je donne le biberon à mon chiot en vous écoutant. Oh, oh so sweet. Teddy qui dit moi je l'appelle Jésus parce qu'il rentre sans la crèche. Oh là là. Oh. Et alors il y en a qui dit tu peux rajouter Seb Anaconda, il fait toujours rire celui-là. Oui, bon, en fait. Ah non. Non. Enfin si, tu t'appelles Seb, oui, mais bon, c'est pas plus que ça quoi. Il y a Signoy qui dit moi ma queue je l'appelle la béquille. Et oui, je suis souvent calé dessus. Des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin, budget 30 euros. Une pute. 30 euros, c'est chaud quand même. Ouais, 30 euros, même pas chaud. Une pipe pour 30 euros. Ouais, c'est vrai. Ma queue s'appelle Oui Oui quand ma femme jouit et hurle de plaisir. Elle dit toujours vas-y, oui, oui, oui, oui, encore. Oui, toi, tu t'emballes un peu, toi, mon grand. Là. Tu t'emballes un petit peu. Bon, revenons à la Saint-Valentin et terminons avec la Saint-Valentin. Guillaume qui est avec nous là. Guillaume, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Très bien. Il y avait Aymeric également qui apparemment avait la solution cadeau pour la Saint-Valentin. Aymeric, nous t'écoutons. Je rappelle évidemment que la Saint-Valentin tombe dans 10 jours. Ouais. La mort de tous les mecs est annoncée, J-10. Attention. Les portefeuilles, cachez-les. Ouais. Planquer les cartes de crédit. Vider les comptes. Je connais quelqu'un en Suisse qui peut vous aider. Bien sûr, changer de nom. Acheter un nouveau passeport. Mettez un faux nom. Aller en Jamaïque, je sais pas. Il va falloir se barrer, les mecs. Quittez-les. Ouais, ou alors faites le tour du monde. Tu sais, à chaque fois, tu gagnes une heure d'horaire. Et puis, à un moment, quand t'as fait le tour, oh, mais merde, on est le 15. Oh putain, la galère. En fait, toi, tu zappes le 14 février, quoi. Tu vois, c'est, tu pars le 13 et puis avec les tu fais le tour de la Terre et puis finalement t'arrives le 15, ça s'appelle 14 partout. Dis donc, toi, t'es capable de faire ça. Je pourrais le faire. Même si ça lui coûte une fortune. C'est clair. Bon, alors c'est quoi la solution, toi, Aymeric? Le cadeau idéal. Alors le cadeau idéal et ultime, on a eu l'idée ensemble avec ma copine, c'est un sextoy pour couple. On peut avoir sur passagedudésir.fr. Ah, très bon site que je te recommande. Évidemment. C'est le Wii Vibe. Ouais, le Wii Vibe, ouais. C'est quoi? Ouais. Du Wi-Fi? C'est comme un œuf vibrant, mais pour couple. Il y a une partie clitoridienne et une partie vaginale, et on peut avoir un rapport en même temps. Mais... Ah oui, d'accord. Mais alors, du coup, ça marche avec une télécommande? Pourquoi tu la baisses pas directement? Il y a une télécommande et il y a tout ça. Pourquoi tu prends pas ta bite et tu... Mais après, tu la mets après dans la chatte. C'est vrai que ça peut être rigolo, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, peu importe. Hein. Mais tu sais, j'ai des espèces de petits trucs vibrants avec télécommande. Tu vas au resto et tout, pépère. Et puis après, tu t'amuses, quoi, c'est rigolo. Ouais. C'est ça. Bah oui, mais oui. C'est la version évoluée. C'est la version évoluée, enfin, d'accord. Ouais. Non, mais ça peut être sympa. Et qui c'est qui a lancé l'idée? C'est ta meuf ou c'est toi? C'est ma meuf. Ah bah c'est cool, c'est bien d'avoir une meuf qui lance ces trucs. Parce que après là aussi c'est toujours un peu la merde sexuellement parlant. Parce que c'est comme la Saint-Valentin, hein. C'est-à-dire que il y a un moment il faut que tu puisses lâcher une possibilité sexuelle. Et bah il faut pas que ta meuf elle le vive mal, tu vois. Parce que sinon c'est mais t'es un pervers. Oui. Et si tu proposes rien c'est ouais bah il est chiant, il propose rien. Ouais. C'est platonique avec lui. Voilà, c'est compliqué, etc. Bon, sinon on a vu à quoi ressemblait le truc dont tu parles. Là c'est particulier quand même, hein. On dirait une espèce de U, d'un côté plus gros, d'un autre côté plus petit, évidemment. J'ai pas compris le principe, en fait, tu le mets quoi? Tu fais quoi avec ça? Bah, tu le mets dans la chatte? En fait, ouais. C'est comme un fer à cheval. La partie la plus plate va à l'intérieur pour toucher le point G, et la partie la plus grosse va sur le dessus pour toucher le clitoris. Mais pourquoi tu prends pas ta bite directement et tu la mets dans la chatte? Trop petit, peut-être. Non, mais au restaurant, c'est pas discret. En complément? Pardon, je connais pas les compléments, moi. Ouais, c'est ça. D'accord, pardon, autant voilà. Pour moi. Oh, sinon, Polo, ce qu'il peut faire pour la Saint-Valentin, c'est un petit cuni, hein, comme sa meuf n'en a jamais. Oh là là, donc je rappelle que Polo ne fait jamais de cuni. Jamais. J'ai pas envie d'avoir de l'herpès. Il ne broute jamais le minou. Jamais, le minou ne sera pas brouté par moi. Bon, attends, il y a également Pierre qui est avec nous, là, d'Essonne. Salut Pierre. Salut. Comment va? Bah ça va bien. Bon bah tant mieux, bienvenue à toi alors. Qu'est-ce que t'avais comme conseil pour la Saint-Valentin? Parce qu'on est toujours sur ce dossier là depuis tout à l'heure. Bah je sais pas, j'ai pas trop de conseils. En fait moi j'appelais pour donner le nom de ma bite. Ah, et tu l'appelles comment ta bite? Bah moi je l'appelle Olivier. Pourquoi? Bah je sais pas, c'était à partir d'un délire avec un pote et depuis c'est resté. Et mon pote lui il l'appelle Garnicio. Avec un pote? Ouais voilà. Mais tu aimes les hommes qui aiment les hommes? Non. D'accord. On a des petits délires chelous comme ça. Je confirme, effectivement. Je pense que tu te cherches, mon ami. Ouais, bah, peut-être que tu te cherches. Et c'est pas grave, c'est pas très grave. Il y a Morad également de Marseille, là. Salut Morad. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va et toi, tranquille. Alors, tu l'appelles comment toi, ta bite? Alors, d'abord, je tiens à préciser que c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais c'est ma copine, parce que c'est un nom assez tordu quand même. C'est droit au but, c'est pas ça, non? Non, même pas. Ah merde, alors vas-y, c'est quoi? Ben en fait, tout a commencé à savoir... Once upon a time, il était une fois, et puis j'aime bien ça. Une far, far non, en fait, elle a voulu lui faire un bisou, elle hésitait en fait, parce qu'elle a donné aussi un nom à mes testicules. Et donc, elle a appelé mes boules Amstram et ma bite Gram. Oh putain, Amstram et, Amstram et Gram, pourquoi pas? Exact. Et toi, et où, bourré, bourré, rat. Bon, après, c'est beaucoup plus compliqué à dire quand elle a dans la bouche, mais sinon... Bien sûr, pas mal. Évidemment, évidemment... Attends. Le gros dans la bouche. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors que l'avantage avec Tof, c'est que ça fait ça. Il grogne dans la bouche. Tu vois, c'est moins gros, quoi. Tu vois, ça remplit pas toute la bouche, quoi. C'est beaucoup plus pratique, évidemment. Et toi, tu l'appelles comment, les seins ou sans sexe à elle? Moi, je leur donne pas de prénom particulier. Tu les appelles pas? C'est mieux parce que le problème, c'est que si après t'as une autre meuf, tu te trompes, après c'est le drame. C'est ça. Après, c'est déjà que c'est. On peut demander à Tof, hein. C'est déjà tellement compliqué à gérer les prénoms normaux. Ah bah alors oui. Si en plus tu commences à donner des surnoms au sein et tout le bordel, moi je m'en sors plus. Ah bah là c'est terminé. J'essaye de pas tout mélanger quand même. Mais t'as raison, t'as bien raison. Bon bah merci Pierre et Morad. Là, vous revenez quand vous voulez, hein. Ok, à plus. Salut à vous, à bientôt. Et puis on va également terminer sur la Saint-Valentin. Guillaume, un dernier mot à ajouter pour la Saint-Valentin? Bah, le cadeau que j'ai proposé tout à l'heure, vous avez jugé que c'était pas assez romantique, mais après l'idée c'est de faire original, je pense. Enfin, je sais pas. Oui, non. Bah non, mais bien sûr. Après, c'était quoi rappelle l'idée peut-être pour ceux qui viennent de débarquer. C'était un vol en simulateur de chute libre. Ouais, bah non, c'est très original, mais c'est pas très romantique. Dans une soufflerie, quoi. Bah oui, c'est sûr que c'est pas romantique. Ouais, après, mais si tu peux faire l'amour pendant. Non. Non, parce que t'es en fait, je sais pas si tu vois comment c'est foutu, c'est t'as un tube qui fait 4 mètres de diamètre en plexi, ouais. Et c'est une soufflerie quoi en fait, tu voles en fait, c'est un simulateur de chute libre. Parce que pour peu que tu sois à l'intérieur et que ta meuf elle aille plus vite que toi en descendant ou en remontant, si tu veux, elle te casse la bite en deux. Ouais, je comprends. Mais sinon après, bah voilà, un petit week-end, il lui fait la surprise de l'emmener en week-end, et il prépare tout quoi. Ouais. Le resto, l'hôtel, il réserve tout, il organise tout de A à Z et elle a plus qu'à se laisser porter. Ouais, quoi. C'est vrai. Sinon, comme je l'avais dit hier, hein, t'essaies de faire à bouffer, même si t'es piètre cuisinier, ça fera toujours de l'effet, même si c'est pas très bon, tu vois. Elle aurait été contente. Non, mais c'est vrai, tu mets une petite bougie, un truc un peu romantique, même si le truc est pas super bon parce que t'es pas doué comme moi par exemple, bah ouais. Ça fait toujours son effet. Et puis, si vraiment tu foires toute la bouffe, bah tu prévois, tu sais, un truc de secours, une pizza surgelée, n'importe quoi, mais au moins il y a l'effort, il y a le côté un peu sympa puisque t'es à la maison, chez elle, chez toi, peu importe, petite bougie et tout, un peu romantique. Et au moins t'as fait l'effort et normalement ça fait l'effet, donc à voir. Et au moins c'est pas cher, Louis. Ouais. Ça c'est à tester. Hein. Bon, en tout cas, bah bon courage. Hein. Je rappelle, J-10. Ça va aller. Ça va aller, rassure-vous. Il y a moyen de passer un petit son là. Qu'est-ce que tu veux? Instant Crush de Daft Punk. Instant Crush de Daft Punk. Alors attends une seconde, il va falloir que je regarde d'abord si on a ce truc là en stock. Alors, Daft Punk, je regarde immédiatement, je viens de taper là. Instant Crush, c'est... ah ouais, je l'ai, ouais. Hop là. Ah bah oui, avec plaisir, si tu veux, on va le mettre, hein, pas de problème. Ah ok, c'est cool. Voilà, tu sais quoi, je vais même te le mettre maintenant, tiens. Hop là, voilà, Instant Crush avec Daft Punk, pas de soucis. Eh bah, je te mets dans une minute, Guillaume, bouge pas. Ah bah, merci beaucoup. Merci avec plaisir. Beaucoup. Salut Emric, cool. Salut Guillaume, et tiens au courant Louis, hein, si on a d'autres idées, t'inquiète, on t'appelle. D'accord. Ça roule. Salut à vous, à bientôt. Salut, merci. Salut. Ciao, à bientôt. Hey Guillaume. Ouais. Tiens, voilà, je te le mets maintenant, tiens, regarde. Hop là, voilà. Daft Punk. Ouais, avec plaisir. Cool. Salut à toi Guillaume, ciao. Instant Crush maintenant sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, il est minuit 15. Et on revient juste après, on parlera de cette magnifique soirée qui va avoir lieu vendredi au El Paso à Compiègne. Bougez pas, c'est Fun Radio et Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h sur Fun. Ah bah très bon choix de Guillaume là qui vient de le poser, demander le son de Daft Punk avec Instant Crush. J'y avais pas forcément pensé. Et ben il est plutôt bien, voilà. Instant Crush, Daft Punk. On écoutera aussi encore un nouveau son avec Dust et Nicki Minaj, ce sera Damn. Voilà, Damn dans quelques minutes sur Fun Radio. Je vous calerai aussi encore une nouveauté, c'est Eric Arbores avec Get Ready. Ouais, et si vous écoutez les sons en particulier, bah, comme d'hab, demandez, hashtag et Mickaël, n'hésitez surtout pas, bien entendu. Facebook, Twitter, ajoutez-moi également, on va donner la réponse à la colle de Kevin. Dans quelques minutes, je suis un ornement en or dont je peux faire le bonheur. Par deux, je peux servir dans l'eau. Qui suis-je? Vous avez la réponse, tant mieux. Dans 10 minutes, on appelle chez vous. Vous avez la réponse et vous pouvez l'envoyer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/... Je vais arriver, je vais m'étouffer. Et Mickaël officiel, voilà. Du stagiaire encore. Bah si, bien sûr, comme d'habitude. Bon, Megumi aussi, qui dit une photo de Mickaël en mode mannequin pour sous-vêtements, c'est mon cadeau idéal pour la Saint-Valentin avec un petit I love Megumi. Non mais Megumi, c'est parce que tu m'avais peut-être pas vu encore torse nu, c'est pour ça que c'est peut-être ton rêve. Il y a Awam aussi qui dit ma Dolce et son Gabbana, c'est Johan. Oh, le sexe d'une femme, je l'appelle pas, je le siffle. Oh, l'enculé. C'est un message qui est envoyé depuis le Facebook, depuis l'application Mickaël No Limit que vous pouvez télécharger sur l'App Store, sur Apple, donc hein, pour l'iPhone, l'iPad et l'iPod. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Bon, n'hésitez pas non plus à venir. On sera, je vous le rappelle, vendredi, ce vendredi, là dans 3 jours, on sera avec vous. On vient vous voir à Compiègne. Ça, c'est vendredi. On sera à Noyon jeudi et donc à Compiègne, on arrive. Non, dimanche. J'ai dit quoi? Jeudi. Ah oui, non, c'est dimanche, bien sûr, évidemment. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il est déjà là-bas. Mais non, mais oui. Pourquoi il dit jeudi? Je sais pas, je suis désolé, Michel. Ça, c'est pardon. Top, ça. Mais oui, bien sûr, évidemment. Ça, le con, va. Donc, je disais que vendredi, on va débarquer à 21h au Speed Park pour faire un petit kart et un laser game. Et puis, minuit 30, direction le El Patio. C'est une boîte qui se trouve à Compiègne pour faire la teuf toute la nuit. Donc, venez nous voir. On a également la possibilité de que vous puissiez venir bouffer avec nous. VIP, boisson, tout est compris. Hein, le kart, tout le bordel. Donc, si vous voulez gagner les entrées, eh bien, appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000. Et je vous rappelle qu'il y a de la place pour. Il y a beaucoup de place, donc vous inquiétez pas, vous pouvez appeler sans problème. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes en Picardie, on se retrouve avec grand plaisir. Et vous pouvez pas louper, hein, puisque je vous rappelle que. Enfin, je vous rappelle pas, je vous l'annonce, hein. Fun, qui est blindé leur mère, nous ont loué un beau 4x4 logotisé Mickaël No Limit. Ah là là! Ah là, ils nous ont mis bien. Ah bah, ils nous ont mis là, plus que bien. Ils nous ont mis bien. Ah bah, ouais, je peux te dire, hein, putain, alors là, la classe de la classe. Avec donc, Toff, on ramène de la meuf. Ah grave, ouais. Grave. On va être bien avec Paul. Bon, et donc, voilà, et puis on fera l'émission en direct de Noyon chez un auditeur. Ce sera en Picardie également, dimanche soir chez Olivier, un prof de maths qui va inviter ses élèves. Et on fait l'émission en direct de Noyon en Picardie, dimanche soir à partir de 20h. Voilà, comme ça, tout est dit. Et qui sera avec nous également? Attention, je vous le donne en mille. Ça siffle. Je vous le donne en mille. Ça siffle. Il a notamment chanté ça. C'est un indice. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou ne me croque les orteils. Il a également chanté ça. Super disco, super fun. Un peu d'acier, volume à fond. Il a également chanté ça. Je cherche un producteur, auteur, compositeur. Il a également chanté ça. Je suis un écho de rock. Et pas encore celui-là. Mesdames et messieurs, standing ovation pour Jean-Pierre Sauzet. Hey, Jean-Pierre, ouais. Comment ça va, JP? Comment ça va? T'as vu comment je t'accueille? Ouais, super bien, hein. Ah, je t'accueille pas comme un enculé, hein. Ah, non. Bon, quand tu même. Pas, tu préfères pas Apollo contre le reste du monde? Non, je préfère ton émission. Ah bon, d'accord, ok, bon, bah, c'est gentil, Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre, est-ce que t'as un peu le trac ou pas là? Non, j'ai pas le trac du tout. Le sifflement est pur. Oui. Écoutez-le comment il est pur et travaillé. Il est toujours là, le sifflement dans le téléphone de Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Bon, alors du coup, vendredi, tu viens toujours au El Patio, hein? Oui, y a pas de problème. Bon, c'est dans quelle ville encore? Compiègne. Ah oui, Compiègne, exactement, tout à fait, ouais. Bon, parfait. Alors, est-ce que tu sais déjà, parce que Toff a déjà loué le déguisement du lapin, hein, il sera là. Ah oui. Comme promis. Tu sais ce que tu vas chanter comme chanson déjà ou pas encore? Jean-Pierre Pied des Merveilles. Ah, une Wonderland. Voilà, ouais. Alors, Wonderland pour ceux, parce qu'il y a des nouveaux auditeurs, hein, qui arrivent tous les jours. Jean-Pierre, une Wonderland, c'est ça? Oui, Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou, je me croque les orteils. Et attention, je tiens à dire à ceux qui seront au El Patio qu'il va falloir pogoter là-dessus. Et il va falloir, non mais c'est vrai, il va falloir se secouer un petit peu, il va falloir chanter, il va falloir applaudir, il va falloir tout faire. Et je veux qu'il y ait l'ambiance de folie sur Jean-Pierre au pays des merveilles. On va faire comme dans les concerts de rock là, de hard rock, on va faire du le Braveheart. Vous connaissez le truc où ils se foncent dessus là? Ah oui. Oh, ça va être bon ça. Ouais, un pogo, mais oui, braveur, mais pour plus le violent, coup, c'est plus, un peu plus violent, effectivement. Ouais. Bon, ben alors c'est impeccable, Jean-Pierre. Est-ce que t'as un truc à ajouter là pour faire venir les auditeurs? Il y a un producteur qui m'a appelé là avec Vincent, il s'appelle Monsieur Martin. Monsieur Martin, Jacques, il est mort. Hein. Non, mais c'est Jean-Pierre Arthur aussi. Martin. Ouais. Ah ben Jean-Pierre, ben c'est bien, c'est de et il y aura aussi de bon augure. Marchand. Ah Monsieur Marchand, Guy? Non. Qui? Un producteur, Monsieur Marchand. De légumes. Mais attends, ils sont en train de se battre pour t'avoir ou t'en as deux différents? Non, mais bon, Monsieur Marchand, j'attends ses réponses. Mais sinon, il y a un Monsieur Martin qui m'a appelé. Ouais. Et m'a dit qu'il veut me voir sur scène et voir ce que ça donne, puis on verra ensemble, voilà. Ah donc en plus il y aura des producteurs dans la salle, putain ça c'est bon ouais, ça. Grosse soirée pour toi. Mon objectif c'est de trouver un producteur. Voilà. Bah évidemment. Bon bah en tout cas je te le souhaite Jean-Pierre. Ouais, hein, voilà, ouais. Et donc on se retrouve vendredi donc au El Patio à Compiègne, mini concert de Jean-Pierre Sauzère, venez nombreux, Toff sera là en lapin. Oui, un très beau lapin. Voilà. Un très et beau on lapin. On a un projet dans quelques mois de faire des missions sur Paranormal. Oui, bah bien sûr, évidemment, mais ça reste... À Archeville, si on peut faire ça à Archeville, après les élections. Où ça? Archeville. À Archeville, c'est où? Archeville. Archeville, c'est où? C'est près du Tréport. Bah oui. Ah bah oui. Seine-Maritime, 76, département. Ah, 76, d'accord, ok, wesh, en place, ouais. T'as vu? Derrière deux chevilles. Pas de c'est drôle ça, Toff. Moi aussi. Voilà, tiens. Bon, bah parfait, écoute, Jean-Pierre, bah ouais. Moi j'ai hâte d'être vendredi, quoi qu'il arrive. Hein, Bah vendredi, je dirais c'est demain, toi, c'est après-demain, toi. Et ben c'est après-demain même. Voilà. Ouais. Bah, exactement. Bon, et du coup, tu passes quand alors dans Polo contre le reste du monde? Parce qu'il est jaloux, là, il aimerait bien que tu repasses. Non, je passe plus, c'est bon. Bah pourquoi? Ça m'intéresse pas. Bah, c'est une émission pourtant. Ouais, peut-être non, mais moi déjà, Fun Radio, j'ai bien 20 ans, je veux pas y passer trop souvent. Je préfère y passer même encore une fois par mois, hein, où tu m'appelles à des heures convenables, vers 23h. Ah oui, mais là, il est 23h, là. Ouais, c'est bon, là, tu m'as appelé, il est pas tard, il est minuit 25, donc c'est bon. Ah, hein. T'as vu? Là, c'est quand même bien. Ah, c'est quand même mieux. Ah, c'est quand même mieux, évidemment. Ouais, mais le problème de Polo contre le reste du monde, c'est que c'est un peu plus tard, quoi. Ouais, non, mais bon, bonne suite à lui, pour lui, pour faire son délire, s'amuser, c'est bien. Non mais au moins pour lui faire plaisir, au moins une fois. Non, je suis passé l'autre fois, c'est bon, j'aime pas. Bon, alors, dimanche alors? Dimanche peut-être, ouais. Pour donner des nouvelles de El Paso, comment ça s'est passé? Bah voilà, exactement, on fera un débrief. Voilà. Bon bah écoute, on fait comme ça alors, parfait. Bon, je vous attends. Hein. Bah nous aussi, on t'attend Jean-Pierre, et puis bah viens, moi je serai le chasseur, hein, j'aurai une carabine pour tuer le lapin. D'accord, mais pareil qu'il va avoir une lâchée de lapin, donc... Ah bah alors c'est parfait, alors c'est impeccable. Ça hein, Eh bah voilà, on va être au top. Des lapines c'est mieux. Hein, ouais, des lapines, ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je préfère rien, mais bon. Ah bah et voilà, et tu vas draguer un peu ou pas Jean-Pierre? Je vais chanter, ouais. Mais tu vas un peu draguer en même temps, parce que le chanteur en général, celui qui arrive à se taper tout le temps. Ah, parfait, ça c'est bon ça. Voilà. Très bien Jean-Pierre, bon on t'attend alors, hein, bonne chance. Pas de problème, j'arriverai vers 23h là-bas. Ouais, minuit, bah impeccable, nous on sera là aussi, pas de problème. Et j'arriverai en costume de scène, toi. Ah bah j'espère. En costume à paillettes. Eh oui, très bien. Si j'aurais chanté, j'aurais producteur, j'aurais mis mes bottes. Parfait. Ah ouais. Avec le sifflement, ouais, par contre. Marrant. Ah bah non, mais là c'est Wonderland, donc évidemment, oui, c'est évidemment, pas pareil. T'inquiète pas. Bon, ben bah, je m'inquiète pas. On sait que entre professionnels, on doit pas s'inquiéter, donc ça me rassure. Il y a pas de problème. Bon, ben bah, je n'en doute pas, Jean-Pierre. Bon, ben bah, rendez-vous. Jean-Pierre Sauzère, n'hésitez pas, faut rien l'inventer. C'est vrai, ouais, exactement. C'est vrai. Allez, salut Jean-Pierre. Ouais, salut à vous. Salut, ciao à toi. Bon, ben bah, voilà, il va y avoir du lourd, comme on vous le disait. Hein, bah vendredi soir, El Patio. Alors désolé pour ceux qui sont dans des régions un peu trop éloignées. Rassurez-vous. On passera peut-être pas chez vous. Enfin, en tout cas pas avec Jean-Pierre. Pas avec Jean-Pierre Sauzère, quoi. Nous après on va passer, hein, on compte faire une petite tournée là. Mais peut-être pas forcément avec Jean-Pierre, sauf si vraiment Toff insiste, à ce moment-là il peut prendre une voiture séparée et faire la route avec lui. Il insiste, regarde-moi ce petit coup. Mais non Toff, tu sais, c'est ton rêve. À la seule condition, je veux que bien le faire. Que les Freaks soient avec, d'accord, ok, pas de problème. Aussi, si tu veux. Tu veux qu'elle te suspende, d'accord, mais... ok Toff. Qu'il y ait une vitre qui sépare les deux. C'est genre, tu veux conduire une limousine aussi Non, genre, tu vois, un taxi anglais. Mais oui, c'est ça. Comme ça, tu vois, quand il me saoule, je peux fermer le truc. Mais oui. Bon, il y a Ariel qui dit Jean-Pierre qui fait la promo de l'OVNI Tender. Megumi qui dit le sexe de Polo s'appelle le boomerang, dû à son nom, la 90 degrés. Et t'as beau l'envoyer loin, il revient, le con. C'est pas possible, 90 degrés. Oh, c'est Megumi, hein, c'est pas grave. Polo, Polo il baisse de travers. T'sais. Voilà, c'est sans ça, il doit se mettre sur le côté en fait pour rentrer. Bon, on va prendre Emile dans quelques minutes. On aura Kevin pour parler du nom des bites et puis on va donner la réponse à la colle maintenant. Kevin, t'es là? Oui. Très bien. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai dit minuit 30. Putain, je suis ponctuel là pour l'instant. Non, pas mal, pas mal. À minuit 30 tout pile là. 0-0 secondes. Truc de ouf. Bon, on y va, Kevin. C'est trop fort, Mickaël. T'avais donné. Oui, je trouve aussi. Kevin, tu avais donné une colle. Tu avais posé une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, a trouvé la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne. Tu perds. Si jamais ça ne décroche pas ou que la personne qu'on appelle ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Kevin, on y va, c'est parti. Je rappelle que c'est une Xbox One qui est à gagner ce soir. Oui. Ce serait pas mal, Kevin, hein. Ah oui, ça serait bien. Ah bah oui. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Ouais, c'est S. C'est qui? S-A-C-E. A-C-E. Qu'est-ce qui se passe, As? Il y a tout qui vibre dans tous les sens. C'est ton pacemaker, là, quand tu C'est non, ça, faut faire attention. Bon, As, il y a Kevin qui a une colle à te poser. Oh, tu t'appelles pas As? Si, A-C-E, c'est un cul. En fait, Non, c'est A-C-E-A. Si tu veux un nom... En anglais, ça c'est Ace. Ace, ok, Ace. Ok, très bien, famille, Ace. C'est thématique. C'est drôle ça. Bon, allez, vas-y, Kevin, fais péter la colle. Alors, je suis un ornement en or dont je peux faire le bonheur. Je m'appelle Ventoline. Par deux, je peux servir dans l'eau. Qui suis-je? Alors, est-ce que t'as la bonne réponse, As? Ouais, c'est la palme. Kevin? Ouais. Eh oui, ben voilà, ouais. Bravo As, la Xbox One est pour toi. Toutes mes félicitations, As. Tu vas retourner chez Sandro. Standard, on prend tes coordonnées, on t'envoie ça rapidos. Ok, merci Mickaël. Salut, ciao As. À toi, As. Bye. Ouais. Et Kevin, bah désolé pour toi, mais tu retentes ta chance quand tu veux, Kevin. Hein. D'accord, et bon. C'est pas possible d'avoir l'autre consolation. Oui, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro. Standard, je te la repasse direct, Kevin. Et des feuilles enroulées, je pense. Sans problème. Salut Kevin, passe une belle soirée, à bientôt. Ciao. Bon, allez, on va récupérer. Donc Kevin là, un autre pour le nom des beats. On aura Emile, on aura Mehdi également. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Ça Salut. Va Ouais, très bien. Bon, très bien, ouais. On parle de quoi dans un instant avec toi? Du caractère de ma mère. Du caractère de ta mère, d'accord, ok, ouais. Très bien. Bon ben reste avec nous Mehdi. Et puis souvenez-vous, pour ceux qui étaient là hier et avant-hier, on devait appeler aussi D17, parce qu'on avait Ali, je crois, un auditeur, ouais, qui râlait parce qu'il y avait les nouveaux chevaliers du Zodiac, ouais, qui trouvaient ça merdique. Sauf que D17 était fermé, était ouvert jusqu'à 21h. Donc on a enregistré le passage ce soir. On a appelé vers 20h30 et à 20h30 c'était déjà fermé, ouais. Donc on essaiera demain à 8h et ainsi de suite. Donc voilà, donc rassurez-vous, on n'a pas oublié. On lâche pas l'affaire, il n'y a pas de problème. Au cœur de la nuit, sans pub, sur Fun Radio. C'est Dust et Nicki Minaj qu'on écoute maintenant. C'est Damn, minuit 33. Juste après, on fait les appels de Toff. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël, No Limit. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. C'était Dust sur Fun Radio avec Nicki Minaj et c'était Damn. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exact, on est en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Allez, prévenez vos potes, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs, 23h, 2h et tous les dimanches également de 20h à minuit. Avec Mika qui dit bonne soirée Fun, merci, trop délire, bonne continuation. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Aurore qui dit plus de courant, le vent continue ici au pied de la montagne, il sniff. Bah, bon courage Aurore. Morgane qui dit est-ce que vous pouvez passer à Rennes? Bah, c'est prévu aussi Morgane, t'inquiète pas, on va essayer de faire un petit tour, hein. On passera pas partout malheureusement, mais on va essayer. Et puis Daniel qui dit ça dépend des moments, en temps normal j'appelle ma bite Orangina, car si tu la secoues pas bien, la pupe elle reste en bas. Mais si madame a ses ragnagna, on passe en mode 4x4, enfin 4x4 plutôt, car il faut passer dans tous les terrains. Et si j'ai le malheur de taper un peu trop fort, c'est Orangina sanguine. Madame me dit mais pourquoi tu as tapé si fort? Mais parce que. Oh là là, il est allé loin lui. Hein. Et Secret Key qui dit moi j'appelle pas une bite, je vais la chercher. Pas mal, Secret Key. Moi ma queue je l'appelle Toff, et oui elle cherche toujours à fourrer. Et Delphine, moi je l'appelle le caporal car il est toujours au garde à vous. Bon, et eh ben très bien, puisqu'on en est en train de parler de ça justement, c'est parce que on est tombé, enfin je suis tombé sur un site qui répertoriait tous les noms qu'on pouvait donner à sa bite. Il y avait les super-héros notamment, hein, c'était Terminator, Gladiator, Godzilla, il y avait aussi Popeye, Babar, comment tu peux appeler ta bite Babar, Pinocchio, Dumbo, Sangoku ou encore Pikachu. Alors il y a ceux qui se la racontent, hein, Goliath, le Colosse, Monsieur Muscle, la Bête, le Monstre ou encore le Maître. Alors il y avait les militaires aussi, les noms militaires, Colonel, Soldat, Pistolet et même Canon. Imagine, c'est quand même du. C'est quand même dur, je vais te mettre mon canon. Il y avait aussi les outils, les romantiques et les culinaires, mais on les lira tout à l'heure. Donc restez bien avec nous. En attendant, rappelons donc de nouvelles personnes grâce au numéro que vous nous avez envoyé comme chaque soir sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Continuez à nous donner des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci. Et nous, on les appelle avec plaisir. Et ce soir, on les appelle pour leur demander s'ils ont déjà donné un nom à leur bite ou à la bite de leur mec. Voilà. Et comment ils l'appellent. Exactement. Allez, c'est parti. Elle en appelle en Belgique, mais je sais pas où. Donc on y va. Allô, c'est parti. Ah, carrément. C'est direct au moins. Ouais, c'est rapide. Ça a l'avantage d'être extrêmement rapide. Très, très bien. Bon, ben, c'est pas grave. On va en appeler un autre. Alors, appelons les flics. À mon avis, ça doit être le stagiaire qui a dû l'appeler à l'antenne. Bravo. Il nous a tué, il nous a pourri l'appel. Bon, c'est pas grave, on appelle un autre. Allez. Bon, du coup, on ne l'a plus en Belgique. Oui, bonsoir madame. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir comment est-ce que votre mari, il appelle son sexe. Ça ne vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle madame. Je vous dirai. Oh bah si madame, ça a l'air très drôle. Qu'est-ce que c'est ça pour un connard? Mais non madame, je suis pas un connard, je veux juste savoir comment votre mari l'appelle son sexe. Oh putain, bon on rappelle encore un coup là, c'est parti, hop là. Allez. C'est quoi ça pour un connard? Réponds à l'idiotie, c'est quoi? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui, en fait, je voulais savoir comment est-ce que vous appelez votre sexe, monsieur. Appelez quoi? Votre bite, vous lui donnez quoi comme nom? Qu'est-ce que j'ai ça? Bah, vous savez, le truc que vous avez entre les jambes qui pend au-dessus des deux couilles. Oui, ça, je sais bien, mais de qu'est-ce que vous parlez? Bah, je voulais savoir comment vous l'appelez, monsieur. Vous êtes qui? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Écoutez, moi je suis occupé pour l'instant. Hein. Oui d'accord, mais ça vous empêche pas de me dire comment vous appelez votre bite, monsieur. Oh, il veut vous raccrocher, putain. Oh, je suis grossier maintenant. Bah oui, complètement là. Bon, on rappelle. Allez hop, c'est parti. En même temps, t'es grossier, c'est pas nouveau. Allez. Oui, excusez-moi, on a encore été coupé, monsieur. Vous allez finir, oui? Bah oui, c'est vous qui voulez pas me répondre, madame. Vous n'êtes qu'un salon et rien d'autre. Ah non, je peux pas vous laisser dire ça, madame. Merde. Ah non, madame. Merde. Pour des saloperies, c'est énervé, toi. Vas-y. Non, t'es que... On était toujours en Belgique, hein, pardon, autant pour moi. Ouais. Merde. Bon, allez hop, on rappe avec un T donc. Hein. Bah oui. Allez hop, on y retourne, c'est parti. Saloperie. Ouais. Ouais. Oui, allô? Oui. Mais vous avez m'appelé combien de fois, c'est? Bah, jusqu'à ce que vous répondiez, monsieur, pourquoi vous voulez pas répondre? Moi, je suis occupé pour l'instant. Vous venez m'appeler pour des bêtises pareilles. Mais pas du tout, monsieur. C'est pas une bêtise, c'est juste une question. Je ne réponds pas à une question pareille. Bah, c'est pas gentil, ça, monsieur. Allez, bonne soirée. Bonne soirée alors. Oh là, franchement, je suis hyper déçu. Ah ouais, moi aussi. Vraiment déception comme si totale. J'appelais pour des bêtises. Déception totale. Bon, bah tant pis, on en appellera d'autres tout à l'heure. Hein. Si vous avez des numéros, n'hésitez pas. toph@funradio.fr. Bon, on fera aussi le chéri, je peux te faire cocu là dans 30 minutes à peu près. Hein. Et puis, ah oui, tiens, est-ce que vous faites des cauchemars? Ça vous arrive ou pas ça? Oui, bah oui, souvent. Genre, c'est quoi le cauchemar? Moi, c'est Tof, il se transforme en libellule et il me course sur un chemin très long. Et en fait, je le tue à coup de hache. Ah, à coup de hache, carrément. Et moi, c'est souvent, je perds mes dents. Ah, tu perds tes dents? Ah, ouais. Ça veut dire que... Tu sais ce que ça veut dire, que ça? Que tu vas mourir. Que quelqu'un... Ou quelqu'un autour de toi va mourir. Ah bah ouais, c'est ça, le rein, tout sien. Ah bah voilà, ouais, effectivement, enfin. Je pense qu'il y a un lien, tout ça, effectivement. Non, en fait, je vous demandais ça parce que... il paraît qu'en général, les hommes feraient des cauchemars à base d'insectes, de guerres, d'inondations, d'incendies ou de scènes de combat. Ah ouais, Polo avait raison, hein, ouais. L'insecte et la scène de combat. Exactement. alors que les filles, c'est plutôt ménage, viol, enlèvement ou leur mari qui leur trompe, qui les trompe. Ouais, c'est ouf, hein. Et ménage, y a pas ? Non. Ah, pardon. Non, y a pas ça. Ça, elles en rêvent, c'est leur kiff. Ouais, c'est ça, tu parles. Ouais. Faudrait que les filles nous racontent, même moi, ça m'est arrivé souvent de rêver que mon mec me trompait et tu sais, il est à côté de moi en fait. Donc quand tu te réveilles le matin. Ouais. Tu peux pas te contrôler, tu m'insultes. Moi, je connais une meuf qui raconte sa vie quand elle dort. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, tu dors avec. Enfin, tu dors. Là, t'as tous les dossiers. Non, mais le pire, attends. Ça. Le pire, c'est qu'elle dort. Et là, tu commences à la questionner et elle te raconte tout. Mais en vrai, hein, elle ment pas. Elle te répond et tout. Parce qu'en général, c'est incompréhensible. Ah non, elle répond. Exemple, elle avait arrêté de fumer. Elle avait dit à sa mère, ouais, j'ai arrêté de fumer et tout, c'est fini. Le mec, tu balances des doses. Bah oui, c'est grave. Je lui ai pas donné le nom. Sa mère lui a posé la question pendant qu'elle dormait. Et en fait, elle a fait, non, moi, j'ai jamais arrêté. Le lendemain matin, elle l'a chopé au pilège. Alors Non, mais c'est ouf. C'est quoi les cauchemars que vous faites ou les rêves, hein, si vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens rarement, moi, des rêves que je fais. Cauchemar, c'est très très rare que j'en fasse. C'est plutôt rare. Ah, moi, je déteste ça, rêver. Oui, bah, t'as pas le choix en même temps. Hein, on te demande pas ton avis. Mais non, mais quand tu t'en souviens, t'as quand même un doute, tu dis, ah, ici, c'était ça la réalité. Ah ouais, ça, c'est pire, hein, c'est quand tu fais des rêves et tu sais pas si c'est un rêve ou une réalité. Ouais, ça c'est emmerdant aussi. Bah venez, on en parle, tiens. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Vous m'appelez maintenant et puis on parle des rêves. Qu'est-ce que vous faites comme rêve, comme cauchemar? Est-ce que ça vient souvent? Et qu'est-ce que vous avez déjà fait justement à base de ça? Bon, il y a Kevin encore par rapport au beat là. Salut Kevin, d'Antibes. Salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, très bien. Tu fais des rêves ou des cauchemars toi, souvent ou pas? Ouais, de temps en temps, normal. Genre, c'est... Ouais, non, mais après, non, mais tout le monde en fait tous les jours. Mais de là, t'en souvenir, c'est un autre problème. Oula, ouais, une fois, j'ai dû me réveiller en sursaut, ouais, j'ai fait un cauchemar, ouais. Ah ouais? Ouais, bah, enfin, un truc bizarre, ouais. Genre, je suis dehors et je suis sur mon scooter, je roule, et d'un coup, t'as un 4x4 qui m'écrase, et j'ai écrasé la tête par une autre voiture, et là, je me suis levé. Ah ouais, tu fais des rêves vraiment cool, toi. Ouais, c'est un truc bizarre, t'as vu? Pendant minutes, je me suis dit, oh putain, c'est vrai et tout, et en fait, au final, non, j'étais dans mon lit, voilà, 4h du matin. Ah oui, effectivement, c'est bizarre chez toi, je confirme. Oui, c'est bizarre, ouais. Ouais, mais je le confirme. Bon, sinon, tu nous appelais pour les bites, toi, tu donnes un nom particulier à ta bite? Alors, voilà, c'est le nom. Whiskas. Ah. Tu t'appelles comment? Whiskas. Whiskas, pourquoi? Parce que toutes les chattes savent appeler Whiskas. Oh là là, c'est nul. Eh oui, hein. Non, pas mal. Et quand tu dis ça aux filles, en général, elles le vivent comment? Bizarrement. Oui, bah tu m'étonnes, oui, je confirme. Le ça, mec c'est... prétentieux et tout, ouais. Bah oui, non mais complètement. Attends, il y a Benjamin aussi qui est avec nous là dans le Gard. Salut Benjamin. Salut les gars. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va, tranquille. Bon, tu fais des cauchemars ou des rêves toi souvent ou pas? Ben écoute, je fais plus de rêves que de cauchemars. Ouais, bah alors c'est quoi, de la chance. Est-ce que t'en as qui sont réguliers ou le meilleur rêve que t'aies fait par exemple? Le meilleur rêve que j'ai fait, ouais. C'est en fait j'étais dans une piscine et là il y a 6 meufs, je sais pas, je les connais pas, que des bombes qui sont dans Playboy qui ont sauté sur moi quoi. Oh là là, le kiff. Toi il a rêvé, il rêve plusieurs fois des Hugh Hefner, mais. Ouais, mais ça m'est jamais arrivé là. Ah non. J'ai vu une photo sur Facebook, elle m'a fait marrer, faut que je la retrouve. C'est tu vois Hugh Hefner qui est photographié au bord de sa piscine avec toutes les Playmates. Ah non, et en fait. Non, mais je vais essayer de la retrouver, je vais la mettre sur le Facebook. Oh. Et en fait, c'est il y a marqué sur la photo, le seul mec qui quand il mourra, on dira pas il est mieux là où il est. Ah bah oui. Énorme. Non mais c'est clair, ouais. C'est clair et net, c'est oui, c'est évident, le mec il est avec que des bombes atomiques et je vais essayer de vous la retrouver la photo, je vais vous la mettre dans quelques minutes, tiens, si je la retrouve du moins. Bon, eh ben très bien. Et donc Benjamin, le nom de ta bite, tu l'appelles comment toi? Ben en fait, c'est ma copine, elle m'a donné le nom de Rambo parce que je suis inébranlable, elle a dit. Non, tu es imbranlable. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est inébranlable, ouais. Imbranlable, ça ouais, doit être ça. Un truc qui marche jamais, à mon avis, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je pourrais passer une petite dédie, là? Non. Ah, ok. tant pis. Mais si, vas-y, oh là là. Ah, j'ai retrouvé la photo de Hugh Hefner. Je vous la mets là. Attendez, les pervers, vous allez pouvoir aller voir un maximum de bombasses en même temps. Ah bon, avec un vieux au milieu, mais bon, en même temps, il n'a pas choisi. Quel talent. Oh là là, mais quel cul il a celui-là. Il a une chatte. Enfin, là, il en a plusieurs, hein, pour le coup. Je vous la mets sur le Facebook. Même mon micro, il a voulu aller voir. Je vous la mets sur le Facebook dans 2 minutes, le temps de la poster. Alors, vas-y pour la dédicace, mais à une seule personne. Hein, choisis la bonne. Ouais, c'est bon, y a pas de problème. Je voulais faire une petite dédicace à mon pote Fraté UTM, voilà, merci. Très bien, bah avec plaisir. Allez, je vais lâcher une dédicace aussi. Ah bah vas-y Kevin, ouais, à une seule personne aussi, choisis la bonne. Cathy qui m'écoute, gros bisous, gros bisous. Allez. Très bien, oh, tu voilà. Veux lui casser les pattes arrière, non? Non, ça ira, non, c'est ma tante. Ah merde, oui, alors non, alors évidemment, alors il vaut mieux pas, je te confirme. Pas mal, pas mal. Bon, salut à vous deux en tout cas, à bientôt, merci d'être passé. Bonne soirée, ciao. Allez, à bientôt, ciao à vous, bye. Et une fois, j'ai fait un rêve bizarre, en fait, j'ai vu Toff, je lui ai cassé les os. Et je l'ai baisé au passage. Non. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, non, ça, ouais. Ça alors, comme quoi, tu vois, finalement, hein, ça m'a dit toi. Ah ouais. Bon, il est minuit 48 sur Fun Radio. On est toujours au cœur de la nuit sans pub. On est bien, on est ensemble jusqu'à 2h du mat. On va parler des rêves dans quelques minutes. Rêves et cauchemars. Et puis, je vous mets la photo là. Juste le temps d'écouter Eric Arborès. Je vous mets la photo sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez M.I.K.L. officiel pour venir. Et effectivement, vous allez voir Hugues Hefner, qui est donc le patron de Playboy. Oui, c'est ça, voilà, le grand Manitou. Le grand Manitou, qui donc, pour ceux qui n'ont pas internet, j'explique aussi, hein, comme ça, il n'y a pas que ceux qui ont internet qui pourront en profiter. Donc, comme je le disais, qui est avec toutes les Playmates, et donc qui a marqué, c'est le seul mec qui où on ne pourra pas dire, il était mieux, il est mieux là où il est, rassurez-vous, ne pleurez pas, il est mieux là où il est. Mais il c'est est pour mieux. Ça qu'il ne meurt pas. Mais c'est ça, putain, le mec est. Bah, il sait qu'il sera pas à, mieux. Non, mais à sa place, moi je meurs pas non plus, hein. T'imagines ? Oh là là, la folie totale. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. Bienvenue si vous arrivez. On écoute Eric Arborès maintenant. C'est Get Ready sur Fun Radio. Bonne nuit. Voilà le son d'Eric Arborès sur Fun Radio. Get Ready. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer. Il y aura Show Tech à suivre. Il y aura aussi Chucky. Et puis si vous voulez écouter un son, hein, bah vous demandez, n'hésitez pas, hein. Comme d'habitude, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous venez m'ajouter également, hein. Si vous me suivez, je vous suivrai également, je vous suivrai par derrière les filles, comme d'habitude. Tapez Mickaël _ officiel, c'est le petit tiré en bas. Et puis bah ajoutez-moi, je vous suivrai donc également avec grand plaisir. Ça y est, j'ai mis la photo sur le Facebook et le Twitter, la photo de Hugues Hefner, le patron de Playboy. Donc sur la photo, il y a indiqué quand Hugues Hefner sera mort, personne ne dira, il est mieux là où il est. Et en effet, vu les meufs qui est autour de lui, c'est quand même un truc de dingue. T'as vu la photo ou pas, Polo? Oh là là. Tu serais bien ou pas là au milieu? Oh mais putain, celle de. Oh là, la blonde là. Ah oh, mais toutes les. Toutes la blonde, la brune, la black, la tout le monde. La chinoise là, les mecs. Il n'y en a pas une qui est dégueulasse, évidemment, c'est des playmates. Donc allez voir hein, pour les petits pervers là, hein, n'hésitez pas, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Mika qui dit cauchemar tombé d'un bâtiment, en fait c'est une mini crise cardiaque. Il paraîtrait que. Tu sais, quand tu dors, en fait, et que tu rêves d'une chute, et du coup, tu te réveilles. Il paraît que c'est une mini crise cardiaque, ton cœur s'arrête, et en fait, c'est ça qui fait que tu te réveilles. Alors, il paraît, alors, les gens d'Urban, je ne sais pas, mais c'est pas la première fois que j'entends parler ça. Il y a Manon qui dit, je dois être un mec parce que je rêve souvent que ma maison brûle. Ah oui, c'est effectivement bizarre, Manon. Olivier qui dit, moi, je fais souvent des cauchemars avec des crashs d'avion, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est chelou. Ah ouais, bizarre aussi. Manon qui dit, ah oui, ça, j'avais déjà lu. Aurore qui dit, moi, je suis auxiliaire de vie à domicile et un jour j'ai fait un cauchemar. Dans la nuit j'ai vu un papy dont je m'occupe mort, tout bleu, les yeux ouverts, etc. Oh. Et le matin quand je suis arrivé, c'était la réalité, j'ai halluciné, j'ai flippé. Merde alors. Bon, en même temps, si c'est une vieille personne, il y a un moment ou à l'autre, il va y passer. Donc c'est peut-être dû au fruit du hasard aussi. Et Didier qui dit, j'ai tatoué ma bite au repos, elle s'appelle Honda en érection et elle s'appelle Anaconda. C'est drôle ça, c'est pas mal. Et Félicia également qui dit, quand j'étais petite, je rêvais souvent que Scream tuait tout le monde dans mon école et moi je me cachais dans le moteur d'une voiture Survivor. Waouh. Pourquoi pas Félicia, en tout cas quoi qu'il arrive, c'est sûr, c'est original. Bon, on va parler des rêves avec Dylan dans quelques minutes. Et puis il y a Mehdi avec nous là. Mehdi d'Algérie, t'es où en Algérie Mehdi? Spécialement à Oran. À Oran, c'est ça? Oran, ouais. Oran, ouais, c'est où? Ouais. Enfin, c'est. Excusez-moi, je connais qu'Alger, donc c'est pas loin d'Alger ou c'est loin? Si, c'est très loin, c'est à 500 km. Ah c'est oui, d'accord. Okay. Du Maroc. D'accord. Bien, 5000? 500. Ah, j'ai eu peur. Non, non. Ah ouais, c'est loin? Oui, bah c'est 500 bornes, quoi. Oui, c'est grand. C'est Paris-Bordeaux, quoi. Voilà, en gros, hein, grosso modo. Ou Paris-Lyon. Non, Paris-Bordeaux. Bon, alors, Mehdi, qu'est-ce qui t'amène, toi? Eh ben, je voulais parler du caractère de ma mère. Caractère de ta mère, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est super nerveuse. En fait, en vrai, elle est calme, genre ouverte et tout. Ouais. Et si un mec l'énerve, ben, elle est capable de le tuer. Quoi? Ben, comment ça, de tuer quoi, des canards? Un mec? Ben non, direct, elle va vers lui, elle met par terre et lui met ses talons dans sa gorge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, t'es sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Mais tu lui as déjà dit qu'il fallait qu'elle se calme un moment là? Eh ben si, quand elle s'énerve, elle peut pas se contrôler. Non mais il faut qu'elle ait consulté alors, attends, et... t'imagines, tu t'as, bonjour madame, tu lui fais une remarque, bah, elle te met à terre quoi. Et ça serait bien qu'un Pontoff qu'elle puisse le tuer. Grave, putain, elle pourrait lui mettre une patate, une bonne fois dans sa gueule, là, ça pourrait être pas mal ça. Non mais c'est vrai, sérieusement. Mais qu'est-ce qu'elle a déjà fait, t'as des exemples? Oui justement, c'était une fois, elle était dans son bureau, agence immobilière, tranquille. Et là, elle était super énervée, genre. Et là, il y avait un mécano juste à côté. Et qui passait, il a vu qu'elle était dans son bureau, il a voulu faire le beau, genre. Donc, il s'approche, et il y avait une fleur à côté de sa porte. Ouais. Donc, il donne un coup de pied, et là, cette fleur se casse en deux. Ouais. Et là, ma mère, vu qu'elle était énervée, elle se lève, elle va vers lui, elle le met par terre, et elle lui met ses talons dans la gorge. Et lui, dès qu'il a voulu parler, elle lui dit, si tu ouvres ta gueule, je te trouve ta gorge. Il y avait tout le monde qui s'est amené pour le dégager et tout. Mais c'est une mafieuse? Non, pas du tout. Non, c'est une femme adorable. Non, d'accord, ok. Parce que sinon, on va couper la conversation immédiatement. Des fois qu'elle s'énerve sur nous et qu'elle débarque à la radio. Non, hein, non, pas du tout, normal. On veut pas trop, on veut pas d'ennui, nous. Hein. Tu vois, nous, on est cool. Yaktov qui fait les amis. Oh putain, on pourrait pas l'appeler? C'est pour demander. Oui. Comment ton daron il appelle son sa bite. Oui, justement, elle aime pas Toff. Ah bah, ah oui, mais elle me connaît. Elle souhaite la mort. Ah, lui souhaite la mort. Oh putain, moi je l'aime bien ta mère. Franchement, avec Polo, on l'aime, je crois qu'on l'adore. Jusqu'à Alger, le déteste. Jusqu'en Algérie, il le déteste. Ouais, voilà, jusqu'à Oran, en Algérie, on n'aime pas Toff, t'imagines. T'es wanted en Algérie, Toff. Bah écoute, ça sera pas pire qu'en Corse. Ouais, c'est. Pas sûr. Et je te rappelle que sa mère, elle met des talons dans la gorge des mecs. Hein. Ouais, pas faux. Ouais, enfin, y a des mecs qui veulent me mettre de l'acide dans le cul en Corse, hein, donc. C'est vrai. Ouais, Mehdi. Ouais, justement, une fois, elle était plus petite, elle avait 9 ans. Ouais. Elle avait. Elle s'était disputée avec un mec. Genre, le mec, c'était genre le big boss du collège et tout. Donc, elle sort, elle attend jusqu'à midi, elle sort un. Qu'on passe de sa poche, elle va le balafrer le visage. Non mais t'es sérieux là? Ah, je te jure. Mais c'est une meurtrière. Heureusement vous habitez à Oran. Ouais, bah franchement, ouais, tant mieux. Hein. Pour le coup, je suis content que l'auditeur soit loin de nous. Ah putain, c'est clair. On va venir faire une émission là-bas. Non, pas tout de suite. On va plutôt envoyer Toff là-bas, il fera l'émission là-bas tout seul. Nous, on restera ici, hein. Ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux. Eh, dites-nous les autres, appelez-nous si vous avez déjà aussi une mère ou un père un peu barré comme ça, ou même une copine, hein, pourquoi pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah Mehdi, reste avec nous. On va prendre Dylan dans quelques minutes par rapport aux rêves. On aura James et Anthony également. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Ah, très bien. James de Rouen, Anthony de Nice, et vous, c'était par rapport au beat que vous nous appelez, voilà. C'est ça? Voilà, bon, c'est ça. Voilà. Puisque c'est le grand sujet de ce soir, hein, comment est-ce que vous appelez votre beat, ou comment est-ce que les filles vous appelez la beat de vos mecs? Comment tu l'appelles, toi, James? La poutre de Bamako. La poutre de Bamako. Mais c'est toi qui as trouvé le nom, ou c'est une copine à toi? C'est une copine à moi en fait, parce que je suis allé au Mali et je suis sorti avec une fille là-bas. Ouais. Et elle m'a dit que j'avais la poutre de Bamako en fait. La plus grosse bite avec laquelle elle avait vu en fait. Non là là, comment ça ramène? Bah non, parce que c'est la vérité. Oh, oui, c'est la vérité, ouais. Tu vois, t'es black ou pas, James? Non, je suis blanc. Donc alors, tu vas me faire croire que t'as été à Bamako où il y a des blacks et que la meuf locale avec qui t'as couché n'a jamais vu une bite aussi grande que la tienne? Arrête! Ta gueule! On sait que les blacks, elles ont tendance à être plus grandes que la moyenne. Ouais, faut arrêter, faut pas croire la moyenne, hein, sincèrement. C'était peut-être le plus grand blanc qu'elle n'avait jamais vu. Ah, ouais. Bon, je fais 1m80. Bon, et elle fait combien de centimètres? 24. Alors Toff demande à voir et photo. À manger. Ouais. Surtout à manger. Ah ouais, et sur la croix, exactement. Il demande à voir et à goûter. Pour le moment, on n'a pas de croix, mais... Ouais, mais enfin, elle viendra un jour. Hein. Et 24 centimètres, James? 24 centimètres. Non, mytho, une photo, quoi. Ouais, Toff, moi j'ai une photo. Ouais. Ouais, mais t'envoies ça sur Toff, toph@funradio.fr, hein, pas sur moi. Hein. Moi, je... Ouais, non, sur Sandro, hein. Oui, ou Sandro, SNDRO@funradio.fr, évidemment, elle sera contente de voir une bite de 24 cm sur son mail. Totalement. Et toi, Anthony? J'en reçois souvent. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Et toi, Anthony? La bifleuse. La bifleuse. Genre, tu donnes des coups de bite sur le visage. Pas forcément le visage. Ah oui, d'accord, ok, ouais, des coups de bite un petit peu à gauche, à droite. C'est elle qui l'a appelé comme ça ou c'est toi? Bah, en fait, c'est un peu elle parce que voilà quoi, elle aimait ça. Les bifles? Les bifles ou ta bite? Les deux. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, James, Sandro, attends la photo, as-tu rien reçu là? Attends, je peux pas envoyer ça sur mon téléphone, je suis pas chez moi en fait. Ah d'accord. Mais c'est un mytho. Mais attends, pourquoi pas, Anthony? On sait la jamais. Photo, la photo. On sait jamais. Bon, et t'envoies. Et t'envoies... arrêtez de m'envoyer des photos de vous aux chiottes, je m'en fous. Je reçois des mecs qui m'envoient des photos aux chiottes. Eh, t'as des richis ou. Ouais, ils sont chiottes, le froc baissé et tout. Quelle horreur. James. Bon, moi, je te l'enverrai sous la douche, tu veux, Sandro. Parfait. James, tu écris bien sur ta bite, Sandro, pour qu'on soit sûr que ce soit une vraie photo et pas une photo de Google. Bah, avec un cœur, hein. Je vais pas me branler pour te faire voir qu'elle fait 24 cm ma bite. Ah, bah attends, si, c'est ce que tu dis, t'as dit. Attends, c'est facile. Ah bon? T'as dit, tu veux une photo, nous on a dit oui. Bah une photo au repos. Ah bah quel intérêt au repos, au repos une bite elle peut faire 2 cm et non, ça veut rien dire. Une bite au repos qui fait 24 cm en fait 15 déjà. Ça reste à voir, hein, ça reste à voir. Sincèrement, la taille au repos n'est pas du tout... tu sais pas si t'as une grosse bite au repos ou une petite bite au repos que la finalité est identique. Hein, donc bon. Voilà, tu penses on à ce que tu veux, le James. Membre. Voilà, mais toi, tu veux voir et goûter. Oui, tu veux pouvoir le palper. Voilà, exactement. Le rouler. Mettre ses deux mains les unes à côté, l'une à côté de l'autre. Bon, merci, et James. Merci, Anthony. Bah, bien sûr. Ah, bien sûr, faut que j'ai le goût. Salut à vous deux. Merci à vous. Ciao. Ciao. Une dédicace. Ouais, vas-y, il y a une seule personne. Choisis la bonne. Vas-y, Anthony. Une dédicace à Lauriane, ma meilleure amie que j'aime et qui m'écoute. Très bien. Eh ben, le message est passé. James, tu voulais dire un truc aussi? Ouais, je peux faire une petite dédicace. Eh ben vas-y, il y a une seule personne aussi, on t'écoute. À mon pote Romain de Canceleux. Très bien, eh ben on l'embrasse également. Salut à toi. Salut, bonne soirée, salut. À vous aussi, salut à tous les deux, James et Anthony. On va revenir avec Emile, avec Mehdi, avec Yervin également dans quelques minutes. Ah putain, je viens de tomber sur une vidéo aussi, faut que je vous en parle. Enfin, faut que je vous en parle et que je vous fasse écouter. Oh là là. Oh bah c'est du lourd. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est du très très lourd. Je peux juste vous mettre un tout petit bout. Juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche, le temps d'écouter Showtech. J'ai toujours tout gardé au fond de moi. Voilà, j'en mets pas plus, hein, mais on va découvrir ça dans quelques minutes. Il y en a qui ont peut-être certainement reconnu l'air, hein, j'espère pour vous. C'est du très très lourd. Du très très lourd. Je vous le mets dans quelques minutes, restez là. Il y a Megumi aussi qui dit « Ross, c'est moche ce mot bifle. Si ça continue, je vais mettre des nifles, des claques avec mes nichons. » Ah, avec plaisir. Ah, écoute, je pense que tu peux taper Toff avec sans problème. Hein. Bien sûr, je l'attends. Ouais, ouais. Et allez voir aussi la photo de Hugh Hefner avec tout son harem, là, toutes les playmates. Oh là là. Ça laisse rêveur, hein, Polo. Ah, j'en rêve, là. Ah, bah, ouais. Facebook.com/MIKELOfficiel. Je viens de vous mettre la photo. Il est 1h03 sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit et c'est Showtech qu'on écoute. Le son de Showtech sur Fun Radio, we like to party. Bienvenue si vous arrivez. Attention également, grosse nouvelle, puisque jeudi, non pas jeudi après-demain, mais jeudi la semaine prochaine, le 13 février, ah bah c'est pas compliqué, un jour avant la Saint-Valentin. Ah ! Eh oui, de 21h à 20... Bah alors on sera en direct de 21h à 2h du mat, mais de 21h à 23h, nous serons... en direct de la Star Wars Identities. Avec R2-D2, Dark Vador, Luke. Bref, tout le monde sera là. Et donc, si vous voulez venir pour les fans de Star Wars, c'est une espèce d'une exposition qui est juste énormissime. Un truc de ouf. Un truc de dingue pour les fans de Star Wars, c'est du caviar. Et ben, si vous voulez venir, on a des passes VIP pour venir à l'inauguration. On fera l'émission de 21h à 23h en direct de là-bas. C'est à Paris, évidemment. Donc, si vous voulez venir gratos, eh bien, vous appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000 pour venir avec nous donc à cette inauguration. Je rappelle que le salon de n'ouvrira qu'une semaine après qu'on y soit. Donc vous allez voir avoir de l'exclu total. Total de chez Total. Voilà, donc 01 42 48 5000 Star Wars Identities. Donc ça se passera le jeudi 13 février de 21h à 23h en direct sur Fun Radio. Et on sera en direct du salon. Et puis à partir de 23h, on fera l'émission normale en direct du studio de Fun comme d'habitude. Voilà, comme ça vous savez tout. Faites passer le message évidemment. On aura le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes. Et alors, justement, je vous en parlais juste avant le son de Showtech. Je viens de tomber sur une vidéo, un truc de ouf. Yervin. Oui. Ça va bien, Yervin? Oui, ça va et toi? Bon, très bien. Est-ce que ça te dit quelque chose, Caramel Ham? Non, ça me dit rien. Ça, c'est bizarre parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu traînes souvent sur Internet, tu regardes souvent des vidéos à gauche à droite? Ouais, souvent. Ouais. Bah alors attends, justement, tiens, j'ai un truc super à te faire écouter. C'est ce qu'on a trouvé sur sur Internet pour le coup. Hein. C'était magnifique. C'est une chanteuse, enfin une chanteuse. Oui. Non. Bah je pense qu'on peut dire une chanteuse. Ouais, c'est ça, c'est une chanteuse qui a décidé de reprendre Katy Perry. Tu connais Katy Perry? Oui, je connais. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, elle, c'est une future star sur le net et donc elle vient faire une petite reprise de Roar de Katy Perry, c'est le nouveau single, mais en français. Alors attention parce que c'est du très très lourd. Alors écoutez. Attention. J'ai toujours tout gardé au fond de moi. T'as peur de peut-être gâcher tout ça. Je m'asseyais pas. Alors pour les plus anciens, ça ressemble un peu à Choum. Silencieusement. Pour les très anciennes fun. J'ai seulement oublié que j'avais des droits. Et je t'ai laissé tout ruiner en moi. J'aurais bon, dites-nous si vous kiffez ou pas. Hein, si vous voulez qu'on le rende sur fun ou pas. En bas de la pente, tu m'as blâmé. Je me suis relevé. Tirant un trait sur le passé. Écoute cette voix. Qu'est-ce que t'en penses jusque-là, Yervin? Elle aurait dû perdre. Ah ouais, c'est vrai. Attends, il y a le refrain qui arrive là. Attends, je vais remettre le refrain directement. Oh, c'est chaud. C'est dommage, le refrain l'a fait en anglais. Ouais, mais c'est peut-être mieux déjà. Ouais. Non. Ah, il est pas mal quand même là. Ah ouais, dites-nous si vous êtes fan, hein, si vous voulez qu'on vous passe l'original aussi de Katy Perry avec Roar dans quelques minutes là, n'hésitez pas. Ouais, si tu veux on peut t'envoyer le CD, Irvin. Il a quand même réfléchi, hein, c'est bien. Il a quand même un peu réfléchi. Non, non, bon, je suis là. Bon, Irvin, tu voulais parler des rêves, toi? Ouais, alors déjà les cauchemars, le plus souvent c'est je fais un cauchemar que je tombe dans un trou et je me réveille au moment de la chute en fait. Ah ouais, c'est une chute, c'est ça arrive souvent ça. Il y a un truc qui est horrible aussi, où si tu fais un cauchemar et le lendemain ça arrive, genre j'ai fait le cauchemar de me prendre la tête grave avec ma meuf, moi ça arrivait. Oui, mais enfin bon, ça après... Ouais, mais c'est parce que t'avais peut-être un truc, tu savais que vous alliez devoir vous engueuler. Non, mais ça va après... On s'est pris la tête à cause d'une crise de jalousie. Ah oui, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Tu vois, c'est pas comme si tu fais un cauchemar d'un truc limite improbable. Imagine, demain, tu vas bosser. Ouais. Bon, si tu fais un cauchemar que tu t'écrases en avion... Là, pour le coup, et que t'as pas du tout prévu de prendre l'avion, et que en dernière minute, on te dit, il faut prendre l'avion pour ci ou pour ça, bon, là, tu te dis, ok, il y a un truc, mais un truc qui peut arriver dans l'absolu tous les jours, c'est pas vraiment prémonitoire. Moi, j'ai fait un rêve comme ça, un jour, je vais à Rio. Je vais à Rio, d'accord. Ah, il a déjà été à Rio. Tu crois quoi? Et avant de partir, je crois que c'est 2-3 jours avant. Ouh, samba, Dijonel. Je rêve que je perds mes affaires. Et là, je me dis, tu sais qu'ils m'ont perdu mon bagage. Ça me travaille tellement, tu sais ce que je fais. Ça fait 10 ans, il en a parmi moi. Ouais, je prends mon sac et je mets des affaires dans mon sac à dos. Tu sais, je me prévois bien et tout. Et ben, vous me croirez pas, j'arrive à l'aéroport, à la fin de Rio, ils m'ont perdu mon bagage. Ils l'ont envoyé à Miami, ces bâtards. Il est revenu ou pas? Il est revenu avec quelques jours de retard. Bon, ça va alors. Ouais, mais je l'ai perdu quand même, c'était promu nucléaire. Oui, c'est vrai. Bon, rêve prémonitoire, effectivement. Bon, toujours moins grave que de se faire écraser par une voiture, par exemple. Et donc, du coup, tu t'es engueulé avec ta meuf, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, très bien. Et ça s'est bien fini ou? Ouais, la preuve, je suis encore avec, donc ça va. Ah, bon. Mais ça peut être aussi de l'auto-persuasion. Ouais, arrivé, c'est vrai. Ça t'a tellement pris la tête que tu l'as regardé, t'as dit. Putain, et tu vois, c'était revenu et tu t'es embrouillé avec elle. Ça va rien dire, ça. C'est un peu comme quand tu vas voir un voyant, que le mec te dit, il va se passer ça. Bah, tu fais tout pour. Mais non, mais effectivement, inconsciemment, tu fais tout pour. Ouais. Le pire, c'est quand tu vas voir un voyant et qui te dit, genre, par exemple, t'as des examens et qui te dit, oui, moi, je vous vois réussir. T'as tendance à dire, oh, ouais, c'est bon. Alors, je dois plus rien foutre, puisque de toute façon, il a dit que j'allais réussir. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Donc, d'ailleurs, est-ce que le voyant qui avait prévu des trucs pour Toff peut nous rappeler? Je sais plus comment il s'appelle le. JR. Ah, il voulait passer. Non, il est passé il y a quelques mois. Ah oui, le malvoyant. Non, il y en a un qui avait dit des trucs. C'était une meuf. Ah oui, c'était une meuf, exactement. C'était une marabout. Ah oui, est-ce qu'elle peut nous rappeler là pour nous faire une autre version là de Toff? Ah, si t'écoutes, rappelle-nous. Oui, parce que je rappelle qu'elle avait dit que Toff, alors qu'il nous disait qu'il ne partait pas en vacances, en décembre, il avait dit oui, il y va dans un pays chaud, paf, avec une meuf. Paf. Et t'as été où? En Égypte avec une meuf. Voilà. Et donc, et ça c'est ouf parce qu'il nous a, il a nié pendant des mois. Il non, a non, nié. Je ne vais nulle part, je ne vais nulle part. Mais j'allais nulle part. Oh, et ouais, elle a dit qu'il allait rencontrer la femme de sa vie. Ah exactement. Non, ça c'était pas elle, ça c'était. Tu mélanges tout. Ah bon, ça c'était l'autre, c'était le balvoyant qui avait dit ça. D'accord, ok, ah j'ai rien à dire. Ouais. Bon, bah en tout cas, si la marabout peut nous rappeler, c'est avec plaisir. Il y a Elliot qui dit mon Dieu, elle est dégueulasse la reprise en français, oui, c'est clair. Thomas qui dit j'adore cette zik, c'est trouvable sur YouTube, pardon. Oui, sur YouTube peut-être. Et Jérémy qui dit mais elle est sur YouTube vraiment. Ah ouais, bah super. Jérémy Titi qui dit version française, j'aime moi vraiment. Non mais t'es sérieux, Jérémy Titi? Bah apparemment il c'est improbable. Il y a des gens, il y a des gens qui aiment hein. Et il y a Morgan qui dit moi j'ai rêvé que je tuais ma belle-mère. Oh la pauvre. Ah mais il y en a beaucoup ça à mon avis qui rêvent de ça. Il y a également Dylan de Montpellier. Salut Dylan. Salut. Comment va les Montpellierins? Comment vont les Montpellierins? Ouais. Bah la forme. Bon, la c'est forme. Le principal. Alors Dylan, toi aussi tu fais des rêves? Non, pas moi en fait, c'est ma sœur. Si moi je rêve, mais voilà quoi, ma sœur en fait elle rêve des dents. Et genre à chaque fois que ça arrive, bah, je perds quelqu'un de ma famille quoi. Ah merde, donc c'est vraiment vrai cette connerie alors? Ouais, bah en fait il y a 2 ans genre elle a rêvé dedans. 2 mois après mon oncle est mort. Ouais. Et l'année dernière elle a rêvé dedans et mon grand-père bah, il est mort 2 mois après aussi. Et ma mère ça lui fait pareil mais qu'elle rêve de marier. Ah quand elle rêve de mariage, elle a qui clame. Voilà, quand elle rêve de mariage, bah, ça lui arrive aussi. Mais attends, juste un truc, ton grand-père, bon il était vieux j'imagine. 65 ans. Ah oui, non, alors d'accord. Non, je pensais que tu sais, genre, il avait 80 balais. Bon, bah là, il y a un moment ou un autre, ça arrive, ouais, malheureusement. Ouais, je sais. Ah non, non ouais, non, pas... 60, 65 ans, non, c'est pas normal. Et ta tante, elle était pas malade ou rien? Ma tante? Ouais. Non, c'est mon oncle. Ton oncle, excuse-moi, elle était pas malade? Non, ou... non, pas malade, ni rien. Bah c'est ouais, alors là, ouais non là c'est ouf, d'accord, ok, mais tu sais genre, parce que parfois t'as des gens, tu sais, ouais bah il avait un cancer et il est mort, j'ai rêvé, il a des dents, il est mort 2 mois après. Oui bah s'il était malade, ça tombe tout le sens. Ouais. Mais si là ils avaient rien tous les deux et qui sont morts tous les deux, ouais là il y a un truc quoi, ouais, c'est bizarre. Ouais bah mon oncle il est mort d'un accident de moto et mon grand-père, parce que enfin, lui, en fait lui il avait rien. Ouais. Et du coup il a eu des cancers comme ça et après il est mort. Mais genre comme par hasard, dès que ma soeur elle avait rêvé dedans quoi. Bon après ça peut être du au hasard, mais c'est bizarre quoi. C'est, oui c'est vrai que c'est bizarre. Putain c'est chaud ça Dylan hein. Ouais. Attends, il y a Jean aussi qui est avec nous de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Salut Jean. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Bon, oui, très très bien. Alors, tu rêves de quoi toi Jean? Bah en fait, comme je disais au standard, une fois par semaine, je rêve de gorille. Enfin de... De gorille. De gorille. Non mais de style King Kong en fait, qui viennent défoncer mon appartement. Ah, sympa. Bah ben non, pas trop, non, justement. Non, mais c'est rigolo comme rêve, c'est toujours mieux, non? Bah ben, c'est pas un rêve, c'est plutôt un cauchemar. Oui, ben, on se comprend, mais... Mais c'est vrai que ça fait bizarre, j'avoue, quand le matin je me réveille, je regarde mes murs, je me dis merde... Et puis t'entends ça? Non, j'entends plus un gros boum boum qui défonce mon appartement en fait. Ah oui d'accord, ok, oui forcément le gorille ça, est un peu nerveux quoi. Le gros boum boum c'est le son dance floor qui t'appelle mon pote. Ah oui peut-être effectivement. Voilà, peut-être. Est-ce qu'il joue est-ce qu'il est DJ ou pas le gorille? Je ne pense pas non. Ah merde, bon alors c'est pas ça, alors on est parti sur la mauvaise direction, dans la mauvaise direction plutôt. Et du coup c'est prémonitoire ou pas spécialement? Comment? Est-ce que c'est prémonitoire les rêves? Non, je pense pas. Non mais quand ça peut pas un gorille, j'ai mais... J'ai toujours pas vu de gorille. Non, mais ça peut être autre chose, un autre animal qui vient casser le truc, je sais pas. Non, même pas, non, rien du tout, c'est juste le fait de voir un style King Kong, en fait, qui vient démolir mon appartement. Putain, c'est ouf. Ça alors, bon bah, et donc du coup, bah le principal, c'est que ce soit pas prémonitoire, j'ai envie de dire. C'est plutôt une bonne nouvelle, attends. Bah, sûr. On a justement King Kong, là. Oh la violence. Ah, ouais. Ah non, arrêtez, non. Non. Réveille-toi. Tu es dans ton... Non. On est dans ton rêve. Non. On est dans ton rêve. Je suis King Kong. Je suis King Kong. Je le fais bien ou pas? Non, j'aime réveiller. Je suis King Kong. Je me réveille. On est dans ton rêve. Ah, le mauvais acteur, le mauvais acteur. Tu rêves là à l'instant. Ah ouais, t'es en train de rêver là. Ah oui, non, mais c'est vrai. J'avoue que ouais, ça me fait des frissons. Ah, tu m'étonnes. Ah, vous me faites flipper, les gars. Ben oui, on est là pour ça. Bon, Jean, Yervin et Dylan, merci en tout cas d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Ouais. Est-ce que je peux passer ma page Facebook là, s'il te plaît? Oui, vas-y. Y'a quoi sur ta page Facebook? Rien, c'est une page comme ça, vite fait, où je mets des statues, des trucs comme ça. Ah, d'accord, ok, parce que c'est une page de merde, en fait, y'a rien dessus. Donc... Ouais, mais voilà, mais ajoutez-moi quand même. N'allez pas voir, c'est nul. Bon, ah, vas-y. Voilà, Didou. Attends, attends, laisse d'abord faire, Dylan. Voilà, c'est Didou, Ditou. Didou, Ditou. Ah, mais t'es déjà passé, toi, Dylan? Il me semble que ça me dit quelque chose. Eh oui. Ah bah il me semblait bien, très bien. Bon bah parfait voilà. Est-ce que tu pourras passer un son s'il te plaît à la fin de l'émission? Tu veux quoi? Stromae de Dodo. Attends, parce que celui-là je pense qu'on l'a passé là juste à la fin de. Juste avant le début de l'émission. Attends, je vais voir, si je peux je te le mets. Ok, pas de soucis, merci. Pas de problème. Salut Dylan, ciao à toi. Yervin, un truc à dire aussi avant de partir? Ouais, moi je fais une dédicace à toute l'équipe de Fun Radio et à Nadège. Bah c'est cool, Yervin, merci à toi. Et une seule personne, j'avais dit. C'est l'enculé là. Tu sais, il y en a beaucoup à Fun Radio. De quoi, Yervin? Encore des posters dédicacés de toute l'équipe. Ah non, des posters pour les cartes dédicacées, ça oui, mais pas les posters, Yervin. On peut filer ça si tu veux. Il faut savoir des cartes ou pas? Oui, oui, bon, on va te filer un pack fun, je te renvoie chez Sandro Standard sans problème. Sinon, il y a une photo version passeport de Toff qu'on a vu tout à l'heure sur son permis de conduire. Une angoisse totale, la photo, une horreur. J'ai vomi trois fois. Ah, grave. Jean, un truc à ajouter? Ouais, je peux faire une petite dédicace, ouais. Vas-y aussi, il y a une personne, on t'écoute, j'en choisis la bonne. À Ramon de Montjalloré. Très bien, bon bah voilà, parfait. Salut Jean, merci de passer en tout cas. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt. Ciao Jean, Mehdi de retour dans quelques minutes avec sa mère qui part au quart de tour là. Donc si vous aussi ça vous est déjà arrivé de tomber sur que votre mère soit nerveuse et s'énerve super vite pour tout et n'importe quoi, ou votre copine ou votre femme, hein, appelez-moi là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Dans quelques minutes. C'est vraiment qu'une morue, putain. Voilà, le chéri, je peux te faire cocu. Dis-lui qu'il ferme sa gueule parce qu'il va crever. Ah oui, t'es très gentil hier, hein. Mais t'es vraiment qu'une salope, toi. Mais oui, complètement. Je vais défoncer, mec. Il était un peu nerveux, comme vous avez pu le remarquer. Toute la nervosité résumée à l'instant. Et on va vous la remettre, évidemment, dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là. Alors, du coup, j'hésite, hein. Je sais pas si je dois mettre celui-là. Ou alors celui-là. Je sais pas. Attention parce qu'il sort réellement en single. Quoi? Le morceau. C'est horreur là, c'est... en français là. Elle sort en single, ouais. Non mais c'est pas sérieux. Si, je te jure. C'est pas sérieux. Je te jure, j'ai tapé pour essayer de retrouver. La chanson a été retirée de YouTube parce que YouTube a dû se dire que c'était pas possible de laisser ça. Mais ça sort vraiment en single. Disponible dans le commerce. Je peux pas croire ça. Bah écoute, je t'envoie le lien. Merde alors. Bon allez, 1h20, on va quand même se la faire, hein, la belle Katy Perry. C'est mon ex d'ailleurs. C'est vrai. Il y a la photo sur Facebook, je l'ai mise il y a quelques mois. Bon, ça a été très furtif. Eh, tu connais du beau monde. Son meilleur pote, c'est Jared Leto. C'est vrai. Et il est sorti avec Katy Perry. T'as vu. C'est vrai. C'est la grande classe. Et Thor, il se tord. Mais Thor, il sort qu'avec des tons. Voilà, c'est ça. Bon allez, ma belle. On va se le faire le roar, on n'a pas l'habitude de l'entendre sur Fun, c'est Katy Perry maintenant sur Fun Radio. La belle Katy Perry à l'instant, roar sur Fun Radio. Bon, allez, désolé hein, ma belle, d'avoir démonté ton morceau avec, comment s'appelle-t-elle encore? Caramelam. Ouais, voilà. Grand artiste. Ah bah très grand, trop grande, hein. Oh là là. Énorme, tellement énorme. Le single est disponible dans le commerce. Hein. Génial, bah écoute, c'est une putain de bonne nouvelle. Secret Kick, il nous a massacré la chanson Mort de Rire, je m'y attendais pas. Oui, je sais. Il y a Pogua aussi sur l'application Mickaël No Limit qui dit elle peut faire un duo avec Jean-Pierre, la meuf qui reprend Katy Perry. oui, c'est vrai. Manon également qui dit une fois j'ai rêvé qu'un de mes amis était mort, c'était tellement réaliste que je me suis réveillé en pleurant. Ah oui, ça arrive ça. Et Christophe qui dit dans la chanson Roar en français, la seule chose qui est bien, c'est la voix de la fille, mais il a eu. Attends, c'est quoi? Il y en a du boulot. Ah bah oui, ça je le confirme effectivement. Bon, vous le savez, on fait le chéri, je peux te faire cocu. Le principe, appelez si c'est une fille qui joue, hein. Là c'est Alexandra qui va jouer. Si c'est une fille qui joue, on appelle votre copain, on lui fait croire que vous avez rencontré un autre mec avec qui il ne s'est rien passé. Attention, car vous n'êtes pas une salope. Mais en revanche, le mec, comme il a proposé de coucher avec vous, vous êtes une fille plutôt normale et plutôt honnête. Donc vous allez demander l'autorisation de votre copain. Ce qu'on va faire justement avec Alexandra qui est avec nous maintenant. Salut Alexandra. Salut Mickaël. Comment ça, Mickaël? Comment ça va, Alex? Je fume en même temps, c'est pour ça. Ah bah bravo, bravo. Eh ben bravo, eh ben tiens, tout ce que tu mérites, c'est ça, tiens. Voilà. Bon, Alexandra, on va faire un chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Très bien, on va donc appeler ton mec, comment s'appelle-t-il? Sébastien. Très bien, il fait quoi dans la vie, Sébastien? Il est militaire. Oh putain. Gardez-vous! Il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Beaucoup, oui. Est-ce qu'il est jaloux? Ça dépend des jours. Ah, ça dépend des jours. Bon, j'espère qu'il sera dans un jour jaloux. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous habitez ensemble? Oui. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 7 ans. Et t'as quel âge?

Je vais tout dormir jusque l'autre t'éclate. Ouais, c'est ça. Oui, je t'emmerde et tu vas te faire foutre. Mais je vais défoncer, mec. Bon, écoute-moi, espèce de petit con. Ouais, c'est ça. Ouais, espèce de grosse merde. Pas te faire foutre, pauvre connard. Bon, allez, vas-y, passe-moi Alex, je vais te défoncer la gueule, sinon, hein. T'es une grosse salope. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as compris, fils de pute. Quoi? Ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. Ouais, c'est ça. Allez, passe-moi Alex, dépêche-toi, là. Sale con. Ah, mais va te faire enculer, sale PD, là, je vais te niquer. Ah, putain. De quoi? Cul, hein. Bah ouais, va te faire enculer, bah, moi Alex, c'est ça. T'as rien d'autre à foutre, fils de pute. Je suis un fils de pute. Bah vas-y, tu es un enculé. Je vais te tuer, toi. Tu es un enculé. Ouais, c'est ça. Tu vas te faire. Dis-moi. Fils de pute. Hé. Ouais, vas-y, bon. Fais chaud au téléphone. Écoute, je vais... Je vais te donner une bonne nouvelle, mais avant ça, j'ai besoin que tu t'excuses de tous les gros mots que t'as dit. Pourquoi? Bah parce que je vais te donner une bonne nouvelle, mais pour ça j'ai besoin que tu t'excuses. Non, je m'excuse de rien du tout. Excuse-toi! Demain je vais venir te voir. Eh, moi aussi je suis militaire, hein, tu crois que j'ai peur? Bah oui, t'es militaire de quoi là? Bah bien sûr! Les militaires ils sont pas des grandes gueules comme ça, c'est de grosses merdes. Allez, ferme ta gueule. Ah! Bon alors! Fais chaud, excuse-toi! Je suis de rien du tout, demain je vais venir, je vais te défoncer. Mais non, tu vas pas le faire. Si. Ah non, mais non. Si, t'inquiète pas. Allez, garde à vous. Garde ta gueule, Et garde à vous. Profite de ta main. Garde à vous. Profite, c'est ça, ferme ta gueule. Bon, tu t'excuses pas alors? Non, je m'excuse pas, non, allez, commence à me saouler là. Là, tu m'as déjà bien saoulé. En tout cas... Là. En tout cas, je voulais quand même te féliciter parce que t'es quand même un des rares à ne pas avoir raccroché 107 fois, donc bravo quand même. Ouais. Non mais c'est vrai. Moi je veux parler à Alex. Encore? Ouais. Bon. Alex, tu lui dis? Ouais, allez. Allô? Oui. Tu m'en veux? Non, juste que demain je rentre, je veux pas te voir. Demain tu te démerdes, tu fais tes affaires, tu te barres. Non mais, mon cœur. Quoi? T'es sur Fun Radio là. T'es sérieuse là? Mais oui. Oui, t'es sérieuse. Mais oui, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël, Sébastien. Ouais. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Et c'est ce que je te disais. Je voulais te féliciter parce que d'habitude, quand on fait ça, on se fait raccrocher au nez 10 fois, etc. Bon, par contre, tu m'as pas loupé sur les insultes. Donc ça, de ce côté-là, on est quand même plutôt pas mal. Mais t'as pas raccroché, c'est bien, Sébastien. Ça va, la pression redescend un petit peu ou pas? Oui, ça va. Ça va mieux? Allez, hop. Ouais. Elle peut rentrer à la maison ou pas, Alexandra, là? Je sais pas. Ah, ben réfléchis, ouais. Sinon, tu nous dis, on te présentera d'autres meufs, y a pas de problème. Bon, salut tous les deux, en tout cas, gros bisous. Salut, à tous. Bon, et si vous voulez faire aussi un chéri, je peux te faire cocu, n'oubliez pas, on joue toutes les semaines. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Mystique qui dit, il m'a fait trop rire, à même pas reconnaître que c'est pas Michel qui a parlé. Bah non, c'est vrai. Le prince Nier qui dit, je retrouve Michel dans toute sa splendeur, elle ne peut pas rester, j'ai d'autres putes qui doivent venir à la maison. Il y a Margot qui était vraiment qu'une salope, ça va loin. Il y a Magda aussi, qui dit, Mickaël, qu'il est bon ce chéri, je peux te faire cocu. Ouais, on s'est bien marré. Fabienne également. Le gars doit connaître le générique de Mickaël No Limit par cœur avec ses ferme ta gueule aussi, ouais. Et alors Mamzelle Océane qui dit, oh le chéri, je peux te faire cocu. Et Jérémy qui dit, attends, elle passe l'aspirateur, sérieux, vous êtes des ouf. Attends, c'est normal, tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose, quoi. Bien chaud le militaire là, c'était Serge. Et Gwen qui dit aussi, vive leur mix pourri de tout à l'heure avec Katy Perry. Oui, j'avoue que c'était pas non plus le meilleur des mariages, j'admets. Retour dans quelques minutes avec comme promis Emile. On aura Casper pour parler des rêves là, ça tombe bien évidemment. Et puis le polo contre le reste du monde, si vous voulez participer, appelez, ouais. 01 42 48 5000. On écoute Chucky, Skydive. C'était Chucky à l'instant sur Fun Radio avec Skydive. Il y aura Pharrell Williams aussi avant de partir, hein. Je vous l'avais promis tout à l'heure, là, il va passer, hein. Voilà, si vous voulez parler d'ailleurs, je rappelle qu'il y a Polo contre le reste du monde, hein, si vous voulez, eh bien, vous confiez un animateur proche de vous. C'est vrai. Toujours à l'écoute de ses auditeurs. N'hésitez pas, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Johan depuis l'application Mickaël No Limite qui dit: j'ai rêvé que mon chien et moi, on était dans le film Je suis une légende, mais on les a tous défoncés. D'accord, ok, pourquoi pas. Et Mickaël aussi sur Facebook, il dit: il y a encore peu de temps, j'ai rêvé d'une ex avec qui je ne me suis pas ennuyé sur aucun plan. J'ai rêvé que je passais un bon moment avec. Mais le matin, quand tu te réveilles et que tu t'aperçois que ce n'est qu'un rêve, t'es frustré pour la journée. Ah ouais, ça par contre, ça c'est le point négatif quand on a un petit rêve où on se sent bien, où on est bien et qu'au final, bah en fait pas du tout. J'avais tenté aussi de me réveiller un jour, c'était au moment où ça venait de sortir. Vous voyez les espèces de lampes réveil Philips là, avec la lumière, avec le bruit des vagues, avec etc. Ouais. Et en fait c'est con, mais je m'étais réveillé, j'avais demandé de me réveiller avec la lumière et le bruit des vagues. Ouais. Et en fait, bah quand le réveil a sonné, je me suis pas réveillé. J'ai juste switché et je me croyais à Hawaï, au bord de l'eau. Il était sur son surf. Mais oui. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais je suis pas à Hawaï. Non, mais déjà, je suis pas à Hawaï. Mais et puis je me suis rendu compte. En fait, je me suis souvenu que j'avais mis ce réveil comme ça. Et c'est là que tac, je me suis réveillé. Je me suis dit, alors, putain. En fait, faut le mettre pour s'endormir, quoi. Bah non, parce que là, tu vas pas te mettre en mode, en mode plage et tout. Il faut le mettre genre une heure avant de te réveiller. Tu mets le réveil normal derrière. Tu mets une heure avant de te réveiller. Et là, t'es en mode zen, pépère. Ah, ouais. C'est cool, quoi. Mais je l'ai essayé une fois. Après, j'ai arrêté parce que je me dis, putain, j'arriverai jamais à me réveiller à l'heure avec ce truc-là. Donc, il y en a chez qui ça marche, mais bon, moi, visiblement relativement moyennement. Ouais, t'étais pas obligé de mettre le bruit des vagues non plus. Bah non, mais bon, c'est pour te faire réveiller avec un truc un buzzer ou un truc comme ça, ça sert à rien. C'est les lumières qui te réveillent en fait, c'est ça? Bah ça dépend. Moi ça me fait pas, moi ça me réveille pas, mais c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que le mec, tu pètes à côté de lui, il va se réveiller en sursaut, tu lui mets de la lumière à donf. Non, ça va. C'est pas que tu pètes, mec, c'est le truc qui vibre sur sur ta table, il se réveille. Non, même pas, c'est un voisin et pour le coup, c'est véridique. C'était il y a 2-3 semaines, c'est vrai qu'il y avait le téléphone portable du voisin en haut, en bas, je sais pas, qui abruti avait oublié de l'éteindre et donc du coup, il vibrait sur sa table, ça m'a réveillé. C'est dingue. C'est ouf. Mais alors que la lumière pas. La lumière moyen, dans la lumière ça va, ça me dérange pas de dormir dans la lumière, mais il faut pas qu'il y ait pas un seul bruit, quoi. Moi un jour j'ai rêvé que j'assassinais Tov, mais tu sais comme dans Dexter, et il y avait tellement de sang, c'était tellement glauque et tout, bah j'étais pas content de me réveiller. Ouais, je l'ai bien découpé en tranches. Ouais, ouais. Mais j'ai d'abord piqué par derrière comme ça. Ouais, c'est et pas son mal. Corps dégueulasse est tombé. Je normal. L'ai traîné sur des kilomètres et des kilomètres. Tu l'as découpé, tu l'as jeté dans la mer. J'ai mis tout le plastique autour. Parfait. J'ai aiguisé mes couteaux, j'ai fait la petite sentence, je l'ai poignardé, je l'ai ouvert, mais il vivait encore. Non mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Il me parlait comme ça, il me racontait sa life. La viande est meilleure quand tu le tues, quand tu le tues vivant. Ensuite, je l'ai coupé en tranches, là, je l'ai mis en morceaux, puis je l'ai jeté dans l'eau. Ça veut rien dire. Bah non, mais tu peux le tuer alors que t'es endormi, je veux dire. Ouais. Bah plutôt, tu es éveillé, quoi, voilà, c'est ça. Enfin, découpé, voilà, c'est plutôt ça. Découpé vivant et pas tué vivant, effectivement, ouais, ça c'était veut mon rien expérience dire. D'assassinat sur Tof. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu veux qu'on essaye en vrai ou pas? Ah oui. Alors, mais tu me fais une décharge pour pas que j'ai de problème. Même si je te faisais une décharge, t'irais en tôle. Mais non. Oui, c'est monsieur Simon. Mais non, si tu dis. Ah bah non, il me dit. Mais il me fait une décharge. On non, le filme. Non, c'est interdit. Comme dans Total non, Recall. Non, c'est interdit. Mais on fait un tu film. Tu ne peux pas. D'accord. Souviens-toi du mec qui s'était fait bouffer la bite. Tu te souviens pas de ça, cette histoire? Ah oui. Il y avait un Allemand, il avait dit non. Moi, donc le mec, il avait passé une annonce quand même. Tu sais, pour que quelqu'un vienne le découper et le bouffer. Et donc il y a un mec qui a dit ouais venez chez moi, je vais vous découper, je vais vous bouffer. Les mecs ils ont partagé la bite. Donc ils ont coupé la bite du mec, ils l'ont partagé, c'était le dernier repas du mec avant qu'il soit dépecé, découpé et mis au congélateur. C'est pas ouf. Bah oui, il y a que Dove qui se souvient de ça. Non mais c'est mec, dingue. Ça m'a choqué. Bah oui, sans blague. Bon, allez, on va récupérer, on va prendre Emile avec nous maintenant là de Montpellier là. Et ça va Emile? Ça va, ouais. Bon, très bien. Emile, qu'est-ce qui t'amène? Tu nous appelles pourquoi toi? Alors moi je vous appelle pour chanter mon répertoire de chansons paillardes. Ah bah là on va être bien. Eh ben on va être bien. Eh ben tu fais ça juste après les derniers appels de Tof. Pas de problème. Bon, puisqu'on avait demandé à tout le monde là, comment est-ce que vous appeliez vos beats, les mecs, et puis comment est-ce que vos copines appelaient les beats de vos mecs, hein, justement. Et donc on a eu l'occasion d'appeler plusieurs personnes, des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et je propose que nous continuions maintenant. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on continue. Grâce au numéro que vous nous avez envoyé, bien évidemment, merci à vous. Allez, c'est parti. Oh, oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous vous êtes trompé de numéro, chef. Mais pas du tout, je voulais juste savoir comment vous appeliez votre bite, monsieur. Allô? Non, ben non, il a raccroché. Bon, on va le rappeler. Et vous êtes trompé, chef. Oui, je me suis trompé, chef. Oui, c'est beau, ça me fait plaisir. Bon, on rappelle. Allez. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, voilà, en fait, monsieur, je comprends pas. Pourquoi vous voulez pas me donner, enfin, me dire comment vous appelez votre sexe ? Et ta mère l'appelle comment, son sexe ? Ben, hein ? Je sais pas, monsieur, faudrait lui demander. Ouais. Bah, va te faire enculer. Oh non, monsieur, pas de ça entre nous. Ah si, allez, de ça entre vous. Bon, attends, on rappelle encore un coup, là. Un petit dernier. Bah oui, ouais, en même temps, il est 2h10 du mat, tranquille. Allez, hop. Oui, allô ? Va te faire enculer, la connard. Ah non, monsieur, non. Ah bah si. Ah bah on restera sur va te faire enculer connard. Ok, petite soirée. Par rapport à hier évidemment. Ouais, 11h je vais te péter en levrette pour trou du cul. Ouais. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Ouais, évidemment là par rapport à ça, par rapport à ça on est en. Je suis fan de ce mec là. C'est du high level lui. Ah hein. Bah lui c'était du high level. Bon Émile. Oui. Bon, tu voulais nous chanter des chansons paillardes. Qu'est-ce que tu fous avec ça toi? Pourquoi tu chantes des chansons paillardes? Moi? Bah ben oui. Est-ce que je suis con? Non, je suis... Exactement. C'est quoi tes chansons paillardes? Bah, c'est-à-dire, c'est quoi des chansons paillardes? Non, non, c'est non, quoi non, tes chansons? C'est quoi quelles chansons? Chante un bout, Émile. Le duc de Bordeaux ressemble à son père à son frère à mon cul, de l'agent conclu. Le duc de Bordeaux ressemble à mon cul comme deux gouttes d'eau. La petite Amélie m'avait bien promis qu'il pose son cul pour en faire un tapis. Les poils sont tombés, la petite est foutue. La petite Amélie n'a plus de poils au cul. Pas mal, pas mal. Moi j'avais celle-là. La digue du cul en revenant de Nantes. Venant à Montaigu, la digue, la digue. Venant à Montaigu, la digue du cul. La digue du cul, je rencontre oui, je la connais. Belle. La digue du cul, je rencontre une belle. Qui dormait le cul du, la digue, la digue. Qui dormait le cul du, la digue du cul. La digue du cul, je bande mon arbalète. La digue du cul, je bande mon arbalète. Et lui fout droit dans le cul, la digue, la digue. Et lui fout droit dans le cul, la digue, la digue. Voilà, alors, t'en as une autre? Oui. Vas-y. L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux. Les femmes, les femmes, les femmes, ça fait lever la queue. C'était un wagon de pine qui revenait d'Argentine. Il y en avait des longs, des fines qui pendaient par la portière. Mémant un coup dans derrière, mémant un coup dans le museau. C'était un wagon de pine qui revenait d'Argentine. La femme du garde-barrière en prit deux douzaines de paires. Mémant un coup dans le derrière, mémant un coup dans le museau. La femme du garde-barrière en prit deux douzaines de paires. Elle s'en issue bien foutue qu'elle s'est pété la charnière. Mémant un coup dans le derrière, mémant un coup dans le museau. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est ouf que tu connais ça par cœur. Attends, j'en ai une autre. Dans ce métier-là, pour faire fortune, il faut savoir jouer du cul. Foula au lit, foula par terre, foula là où ce que tu voudras. Soit par devant, soit par derrière, jamais la garce ne jouira. Voilà, pas mal, t'en as une autre? Ouais, ouais. Ah, vas-y. Non mais en fait, tof, on a compté avec des copains, ouais. Je peux faire 10 minutes de chansons paillardes non-stop. Ah bah ah ouais, on va peut-être pas aller jusqu'à 10 minutes, hein, mais elle est encore oui, une petite, là. Genre, j'en fais juste une dernière. Vas-y. Balibaloute dans son berceau, m'en est déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu es la plus grosse que ton père. Oh, oh, Balibalo, Balibalo est un salaud. Balibalo au cinéma, péta si fort qu'il s'envola. Il atterrit dans les coulisses et encula le pompier de Paris. Oh, oh, Balibalo, Balibalo est un salaud. Balibalo dans son avion, avec sa femme et son cochon. Et sa femme lui tournait la tête et encula la pauvre bête. Ah, ah, Balibalo. Balibalo est un salaud, Balibalo dans sa fusée, admirait ses couilles flotter. Quand tout d'un coup, à l'atterrissage, elle décrochait en criant gare. Oh, oh, Balibalo, Balibalo est un salaud, Balibalo dans son bateau, laissait traîner ses couilles et l'eau. Ah merde. Son père, tu nous fais faire de la marche arrière. Balibalo. Balibalo est un salaud. Balibalo dans son cercueil pendait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il parvient à soulever le couvercle. Balibalo. Balibalo est un salaud. Pas mal. Je préfère le duc de Bordeaux, moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tes poésies en français, tu les connais comme ça aussi? Ça m'étonnerait ça. Attends, j'ai celle-là aussi. Oui, oui, oui, qu'est-ce que j'ai mal au couille. C'est de m'avoir baisé. Aïe, aïe, aïe, j'ai trop de couilles. Il va pas le temps de faire enculer. Toutes ces petites galettes, sont les aléas de l'amour. Autant par devant, par derrière, ça vous arrivera un jour. Que chacun tire à sa manière, amateur ou but à concours. Quand la queue sort de sa tanière, on ne sait jamais où on la fourre. Eh ben voilà. Zut, zut, ça me pique au bout de la flûte. Gratte, gratte, gratte, ça me chatouille sous la chatte. Oh là là, j'ai plein de petits bébêtes. T'as la SPA sur toute la quiquette. T'as la SPA sur toute la quiquette. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, eh ben bravo Emile, hein. Et donc grand talent de chanteur, hein. Ah merci, merci. Moi je propose que tu ailles à The Voice avec ça, je pense que ça peut cartonner. Ah ouais ouais ouais, The Voice, je pense que tu peux cartonner, ouais, c'est clair Emile. Bah, merci en tout cas pour les chaussons paillardes, et quand on a des nouvelles, tu nous appelles, hein. Ah, il est parti, très bien. À mon avis, je crois que c'est les parents qui ont dû arriver avec des colères. Qu'est-ce qu'il faut là? Bon, du coup, je vous en mets une gratuite. Quand le bordel fut éclairé. Quand le bordel fut éclairé. Je la prends, je la fous sur le canapé. La prends, la fous sur le canapé. Et je la carambole si bien qu'elle me fout la vérole. Et vous m'entendez bien. Et la carambole si bien qu'elle lui fout la vérole. Et vous l'entendez bien. Et nous l'entendons bien. Voilà, c'était génial. Pour terminer. Bon, Mehdi, du coup, on va te reprendre demain. On va essayer d'appeler ta mère, comme elle était un peu nerveuse là. On trouvera bien une question à lui poser demain avec les questions de Tof. Hein. D'accord. Pas de bah, j'imagine. T'as donné le numéro de téléphone à Sandro de ta mère Non, pas encore. Bon, alors on va faire comme ça, Mehdi, et puis on te reprendra demain, du coup, d'accord? D'accord. Bon. Je peux passer une petite dédie? Vas-y, profites-en. Ouais. Vas-y, y a une personne. Vas-y, je passe une grosse dédie à tous les supporters des Girondins de Bordeaux. D'accord, ok, très bien, pas de problème. Salut, Mehdi. Salut à tous. Allez, ciao à toi, Mehdi. Et puis on va se faire le son de Pharrell Williams. Et juste après, on s'attaque directement à Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. C'est bien l'anglais, oh, non? Yeah. C'est the génial. Rest of the world. J'adore. Allez hop, et on revient juste après sur Fun. Bonne nuit. It might seem crazy what I'm about to say. Le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio. Et bah ouais, c'était Happy sur Fun. On est là tous les soirs, il est presque 2h du mat. Ouais. Et puis bah c'est le moment, c'est l'instant, bien évidemment, de cette grande émission. Ouais. J'ai envie de dire Polo contre le reste du monde. Bon, on se met la musique de Polo contre le reste du monde. Allons-y. Attends, je suis en galère de musique là. Ah, c'est pas grave. Ouais. Tu peux faire un. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'émission de son spécial. Bah si, si, si, si, si. Ah bon, j'ai trouvé la. Hop là, ça y est, c'est fait. Hop, on y va, c'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous savez, ça dure très peu de temps, donc profitez-en. Le débat que c'est un peu la poubelle de Mickaël No Limit. C'est-à-dire que toutes les ordures qu'on n'a pas utilisées, on les jette. Donc c'est ici, et je suis un peu l'éboueur de cette émission. On va commencer. Pause musicale. Quand le bordel fut éclairé. Quand le bordel fut éclairé. C'est une émission, hein. La prends, je la fous sur le canapé. La prends, la fous sur le canapé. Et je la carambole si bien qu'elle me fout la vérole. Et vous m'entendez bien. Et la carambole si bien qu'elle lui fout la vérole. Et vous l'entendez bien. Voilà, c'était le son d'Explore sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Casper. Casper, on t'écoute. Bah bonjour, je suis pour bonsoir. Les rêves. Bonsoir, bonsoir, on est la nuit. Ouais, je t'écoute. Je c'est pour les rêves et je voulais dire que. T'es lent, t'es trop lent, plus de rapidité. Michel, je t'écoute, vite. Salut Michou. Salut Michou. Salut ma chérie. Je sais que j'ai rêvé de toi la nuit dernière. C'est pas vrai Michel. Si, on était tous les deux sous la douche, ouais. Je me savonnais avec un savon hypoallergénique. Et. Quelle balle tringue celui-là. Ça a dérapé, ça a dérapé. C'est-à-dire ça a dérapé. Où est le savon? Bah justement, le savon, regarde bien dans ton anus. Ah c'est très drôle Michel. Oussama. Oui bonjour. J'étais en train de faire l'amour à Tof, ouais. Mais ce con a mangé le savon qui utilisait l'autre. Ah bah dis donc, c'est fou ça, Stéphane. Ouais bah moi j'ai rêvé qu'on était tous les deux dans les toilettes. Et du coup bah je t'ai enfourché avec ma brosse à chiottes, quoi. Ouais. Bravo Stéphane. Martin, je t'écoute. Oui Polo. Oui Martin. Polo, j'ai fait un rêve. C'est quoi? J'ai eu un rêve aujourd'hui. Arrête de gueuler. J'ai rêvé qu'un jour Polo. Martin, on hurle pas dans le temps. Oui, c'est parce que j'ai un téléphone pourri, j'ai dit que c'est voilà, mais... con, ce mec. Essaye de ne pas hurler dans le téléphone. Vas-y, Martin. Attends, reprends tes esprits, tu reviens juste après. Casper, je t'écoute. Toujours dans Polo contre le reste du monde sur Fun Radio, on y va. Bah, j'ai rêvé d'un accident d'avion qui s'est passé il y a longtemps. Ouais. Je rêvais et il s'est passé pour de vrai, il s'est passé un an plus tard. D'accord, ok, c'est bien Casper. Michel, je t'écoute. Alors la suite de mon rêve, ouais. Et bah, t'étais pas épilé. Qui ça? Bah toi. Bah attends, quoi, tu croyais que je m'épilais le trou du cul ou quoi? Bah quand même, c'est le minimum, non? Mais t'es vraiment un cra... Tu t'épiles toi? Bah oui. JB. Non, Michel, pardon, tu t'épiles toi? Bah oui. Ah, t'es dégueulasse. Oussama, je t'écoute. Oui, alors moi j'ai fait un rêve, je rêvais que mon oncle qui fait des crises d'épilepsie, c'est un rêvé de tort. Ouais. Et il en est mort. Ah bah super, Stéphane, retour dans le polo. Ouais. Moi j'ai rêvé que bah, j'étais dans ma voiture, ouais. J'étais à genoux, puis j'ai reculé, je suis enfoncé avec un bout de crochet d'attelage. Les mecs, ils ont vraiment un problème. Martin, le retour, tu as fait ouais. Un rêve. Ouais, j'ai fait un rêve. Bon, je vais te le faire doucement, hein, mais bon, ça aura moins d'impact au final. Vas-y, mais fais-le. Ouais. Mais mets pas le truc devant ta bouche. Ouais, donc non, je voulais dire que j'avais fait un rêve, que je rêvais que, tu vois, dans tous les studios de radio, on aurait des barres de pole dance, ouais. Des stripteaseuses qu'on pourrait fourrer allègrement, leur mettre des gros doigts, tu vois, comme ça. Calme-toi, Martin. Oh. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Casper, le retour. Bah, dis-moi, Casper, serais-tu un fantôme? Oui, je suis un fantôme. Très bien, et comment t'appelles ta bite? Bah, le petit fantôme. Bon, ok, vas-y. Bah, je rêvais, et quand l'accident s'est passé, bah, je t'ai vu en train de se prendre le réacteur dans le cul. C'est génial. Michel, le retour. Alors, tu sais que dans la suite de mon rêve, on ouais. Était plusieurs. Il y avait Mickaël dans la douche et une fille qui s'appelait Jessica. je sais pas qui c'était, il y avait Mickaël. Il était chaud, Mickaël. Bon, hey, Michel, comment t'appelles ton zizi? Bah, je l'appelle Mickaël, justement. D'accord, ok. Vas-y, Oussama. Ouais, ça va, Polo? Oh, t'es mou. Eh, hey, Oussama, t'es mou, hein. Oh, dommage. T'es hey, trop mou, là. J'appelle mon sexe. Mon sexe, tu sais comment je l'appelle? Non. Le monster. Ok, Stéphane, de retour. Ouais, bah moi, j'ai rêvé qu'on était tous les deux en train de se promener dans la forêt. Puis, bah, tout allait bien. Puis, bah, ça a dérapé et... Ah, ça dérape souvent dans tes rêves. Le retour de Martin qui a fait un rêve. Ouais, j'ai fait un rêve, Polo. Et dans comment ce t'appelles ton zizi? Je l'appelle I have a dream. Ok, vas-y. Donc j'ai fait It's un a rêve. Dream. Attends, calme-toi, Martin. Et pour terminer ce Polo contre le reste du monde, Casper, on y va, on conclut. Bah j'ai vu Toff aussi qui se le prenait, le réacteur dans le cul. Hein. Bah ça fait beaucoup de réacteurs dans le cul. Merci, Casper. Michel, le retour et dernière intervention. Je t'écoute. Bah pour conclure, Mickaël, enculé Polo, c'était bon ça quand même. Moi, j'ai bien aimé. Eh bah t'as des drôles de... Michel, on se retrouve juste après, hein? Ouais. Allez, casse-toi d'ici. Oussama? Pour conclure, c'est une très bonne émission, mais à quoi il sert, Polo, Toff? Ah, Toff, il sert à rien, comme moi. Ciao. Stéphane? Ouais, franchement, c'est une super émission. Moi, j'écoute tous les soirs et je kiffe vraiment. Eh bah, je te remercie. Et pour terminer, Martin qui a fait un rêve. Ouais, mais là, je me suis réveillé, donc je me souviens plus. Ah, mais t'es vraiment un bouffon, hein. Bah oui, mais c'est de ta faute. En même temps, tu m'avais laissé raconter avant. Bon, bah d'accord. On fait quoi? On se quitte? Bah, que tu veux que je fasse, là? Maintenant, je vais prendre une douche et puis okay. Je vais aller quitter. Hein. Allez, ciao. Et ainsi, ça se termine, ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui l'ont écouté. On y va. Exactement. Je vous propose que nous nous quittions avec une petite chansonnette. Ça me paraît pas mal, hein, une petite chansonnette, non? Ah ouais, c'est ah oui. Pas bah, mal. Attends, il faut que je choisisse la bonne, là, attends. Ah, j'hésite entre deux, là, je crois que je vais plutôt prendre celle-là. À fous-moi dans ta pine dans le cul, et qu'on en finisse. À fous-moi dans ta pine dans le cul, et qu'on en parle plus. Ah. Je sens tes testicules entre contre mon gros pétard. Que tu m'encules. Ah, le vigoureux braquement. Ah, il y a le sous-chef qui dit j'adore ces chansons. Il veut une compile. Eh ben avec plaisir, voilà, hop là, ça y est, c'est fait pour la musique de fin, tiens. Bon, bah nickel, mais on va se faire le top tutos aussi là. Ouais, est-ce que je peux juste dire avant au reste du monde ce que fait Polo pendant son émission? Il se branle? Non, il dessine des beats. Ah oui, c'est vrai, une beat par-ci, oui, une beat par-là, alors. C'est normal, j'ai envie de dire. Que celui qui n'a jamais dessiné de beat me jette la première pierre, hein, Toff. La première couille. La première couille. Voilà. Bon, on se fait le top tutos maintenant, là, quels sont les 5 premiers? Numéro 5. Fabienne. Numéro 4. Cédric. Numéro 2. 3, pardon, c'est après ça, il y a 3, évidemment. Magda. Numéro 2. Jérémy Titi. Voilà, c'est le pâtissier. Et numéro 1, Let's Be Free, qui a déjà gagné évidemment et qui ne repartira donc pas avec son énième sextoy offert par Passage du Désir.fr. Mais alors, du coup, qui n'a jamais gagné? Jérémy, je crois, il a Jérémy gagné. Titi, hein, bah voilà, le pâtissier, très bien. Tu vas pouvoir repartir avec un petit sextoy, hein, c'est voilà. Plutôt une bonne nouvelle. Il pourra fourrer dans ses choux. Ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Là, il y avait Mika notamment, il y avait Gwen, Margot, Magda, Let's Be Freaks évidemment, il y avait Thomas, il y avait Jojo78 qui avait envoyé son message, Steven, Secret Key, Ariel, ils étaient nombreux ce soir, Simon, Gink également, Megumi, je l'avais déjà dit, Morgan88S également, Jérémy Titi qui a gagné ce soir là, Félicien également qui était là, il y avait Jay Lapointe, Habib, etc., etc. Merci d'avoir été nombreux comme d'habitude et on va se quitter maintenant bien sûr avec le magnifique générique de l'émission. Attention mesdames et messieurs, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu suces des bites. Non mais putain, tu râles à chaque fois. L'enculeur t'encule ton oncle. L'encul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encule ton oncle. T'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger car t'encule ton oncle toute la journée. Jour après jour, tu deviens mauvais. J'ai une journée d'enculé, mais vraiment, de chien de la casse. Pendant 11h, je vais te péter en levrette pour trou du cul. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Je brise les os, je t'encule au passage, JB. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon, que veux-tu? Ils sont canadiens. Va te faire enculer, sale pédé. Enculé-toi, l'enculé de stagiaire. Va te faire enculer, sale con. Près de merde, toi, l'enculé. Tu bout des pitons, te sucer, toi, l'enculé. T'es un enculeur, merde. Mais putain, t'es mauvais. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est pas comme si ça faisait pas 1000 ans que tu l'as chanté quoi. C'est dingue. Mais je n'arrive plus. Bah ouais, bah je crois que je souffre d'Alzheimer. Bah, en même temps, quand t'as cette gueule de merde en face de toi pendant Ah voilà, c'est pas. Ça, c'est de ma faute. Mais voilà. Oui, bah évidemment. Bon, on va se retrouver demain à partir de 23h sur Fun Radio avec encore des places pour Star Wars Identities, bien entendu, avec des Xbox One à gagner. Demain, ce sera le Je t'emmerde, justement, ce magnifique grand jeu. Et attention, le grand retour du karaopé. Ah bah oui, c'est demain aussi ça, le karaopé. Attention, ça risque d'être assez pétaradant. Oui, j'allais dire ça exactement, tout à fait. Bon, passez une bonne nuit tout le monde là. Demain soir, on se retrouve à partir de 23h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. No limit sur Fun Radio. Et c'est l'arrivée de la grande arrivée, ouais. Bien entendu, de JB dans la radio. Salut les beaux gosses. Ça va ou quoi? C'était moi, mais tout à l'heure, Michel. Genre le mec il sait pas. Alors... Tu fais ce... Genre il veut. Tu vois, c'est ça que j'aime pas avec ce mec là. Ouais, c'est qu'il assume pas. Et ouais, il assume pas et puis c'est, il arrive. Polo, et puis... arrête. JB, tu sais que. Quoi? On s'aime. C'est vrai. Voilà. Il se passe un truc entre moi et JB, je sais pas ce que c'est, mais. Pourtant, moi je pensais que c'était plutôt avec Toff, tous les roulages de pelle que vous avez eu l'occasion de faire. Non. Bah si, hey, je suis quand même plus beau que Toff. Ah bah alors là, merci. La comparaison n'existe même pas. Voilà. Merci JB. Exactement. Bon, JB qui est venu sans vanne ce soir, paraît-il. Il y en a toujours des vannes. Ah bon? J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil au con. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil au con. Le trou du cul tout déchiré. Le son dance floor. Mets le jingle avant le... Non, ça me permettrait pas. Oh là là. On va en parler au sous-chef. Hein, voilà, exactement, oui, tout à fait. Ouais. Bon, quel est le programme? Bah, de la vanne. Ah. Genre, c'est le roi de la vanne. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est l'impression que c'est des grosses têtes la nuit. Tu sais ce que c'est, deux canards qui se battent? Un conflit de canards. Non, mais c'est pas possible. Il y a un moment. Écoutez, j'arrête ce métier. Je me suis entraîné dans la journée, j'ai appelé des potes. Ah, parce que tu t'entraînes pour faire ça? Oui, j'appelle des potes pour voir les valider avant quand même de la diffuser le soir. Ah, parce qu'en plus, quelqu'un valide. Oui, bah bien sûr. Mais écoute, change de mec pour valider les vannes alors. Ah ouais. À mon avis, c'est ça le problème. Ouais, je crois qu'il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Ouais. Ouais. C'est un truc de ouf quand même. La France, honte de toi. Attends, n'oubliez pas, à 6h. Bono. Voilà, allez hop, musique pour terminer. À demain tout le monde hein. Ah bah de pied. Et ah bah, tu as 23 secondes pour changer de studio, démerde-toi. Allez hop. Pinocchio papa. Pinocchio maman. Pinocchio papa. Pinocchio maman. Pinocchio reste chez nous. Pinocchio papa. Pinocchio maman. Pinocchio tire les fleurs. Pinocchio papa. Pinocchio maman. Pinocchio qui veut les fleurs. Eh Eh, mais par contre, il est super élégant, JB. Je sais pas ce qu'il est. Ouais, mais c'est parce qu'il est pas venu seul. Là. Ouais, il est pas venu seul. Ouais. Il est en mode beau gosse. Il est en train de crâner là. Il crâne. La meuf est surmignonne. Ouais, ouais, mais il est venu. Il est venu en mode costard cravate. Il se la ramène un peu là quand même. Il se la ramène un petit peu là. Mais c'est sa sœur, vous croyez? Je vous écoute là. Oui, ben on sait bien. On sait bien qu'il t'écoute. Qu'il est con lui alors. Oh là là. Pourtant, je m'attendais du coup, comme il est venu avec une demoiselle, je m'attendais qu'il se fasse pas de vanne de merde, mais non, il a été con jusque-là. Non, bah j'en ai fait une quand même. Elle est habituée. Ouais, ouais. Elle est habituée quand même. Ah bah d'accord, ok. Bon, là, encore une dernière avant de partir. Allez, vas-y. Qui avait tout vu? Alors, défoutez-moi votre pino face. La servante qui avait tout vu? Alors, défoutez-moi votre pino cul. Enculé de stagiaire. Ils l'ont baisé, là sur une chaise. La chaise est cassée. Ils sont tombés. Sans débander. Comme voit le cul, comme voit les fesses. Relevez les belles, votre blanc jupon. Comme voit le cul, comme voit le corps. Bravo. Voilà, allez. Voilà. Non, je viens de le mettre celui-là. Ah bon, bah alors. Ah bah attends. Oui, ça, si tu écoutais un peu plus ta radio, là, tu te rendrais compte que je l'ai mis il y a 10 minutes, non? Bon, bah on va mettre Avicii, c'est bien le nouveau Avicii. Ça me paraît pas mal, ou tu veux une autre chanson de Bayard? Non, c'est bien Avicii. Ouais, comme tu veux, d'accord, ok. Voilà. Bon, mais t'as 17 secondes, fais l'intro s'il te plaît, allez mec. Bah pourquoi faire, je suis pas payé pour ça, moi, je suis bon. C'est plus mon horaire là. Allez, Mickaël, oui, c'est vrai, t'es en tarif B là. Ah bah ouais, je suis en tarif B là, exactement, ouais. Bon, mais à demain, à deux pieds. Ouais. À 6h, Bruno dans la radio et à Vichy, c'est tout de suite.